bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à tous. Bonsoir. Dans ce nouveau podcast Bonsoir. Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 27. Wouh, oui, c'est assez dingue. Ce soir, un épisode, mais alors complètement exceptionnel. Puisque déjà, Riley est là. Oui, bonsoir. Hein, comment ça va, Riley? Très bien. Ça va très bien. Riley parle trop. Il y a aussi Clément. Oui, exactement. Mais c'est exceptionnel ça, il y a Clément. Ça arrive jamais, hein. Et alors, on a pas un, mais pas deux. On a trois invités. C'est un truc de malade mental. On est très contents. Alors, déjà, on accueille Selkis. Comment ça va, Selkis? Bonjour, ça va très bien. Tu parles très bien. Je parle très bien, très près dans le micro. Très près de ton micro, c'est impeccable. C'est parfait. On est super content de te recevoir. On est un peu moins content de recevoir deux autres invités qui sont derrière toi, qui sont Émile et Guy. Comment ça va, messieurs? Bonsoir, ça va très bien. Donc ça, c'était qui nous c'était parlait? Guy. C'était Guy. Et là, donc ça, c'était Émile. Voilà. Messieurs, quelle est votre compétence pour nous parler de Buffy ce soir? Absolument aucune. Ah, très bien, c'est parfait. C'est-à-dire, nous on avait dit que c'était Charmed, et maintenant on dit que c'est Buffy. Alors, j'en ai pas... Et toi, tu regardais quoi, toi, quand t'étais jeune? On est où, là? Très bien, ça part sur les chapeaux de roue. Vous avez comme point commun tous les trois d'être sartois, et c'est pas plus mal. Voilà, c'est un spécial 7-2. C'est avec vous, entre autres, que j'ai découvert la série Buffy contre les vampires dans notre bon département de la Sarthe. C'est donc un podcast spécial Sarthe ce soir. Mais pas que, on va parler de plein d'autres choses. Le sommaire, Riley, quel est le sommaire? Dis-nous tout. Alors on va parler de... Est-ce qu'on a dit... On n'a pas dit quel épisode dont on allait parler. C'est pas du tout. Afterlife, tout à fait. L'épisode 3 de la saison 6. Oula. On va parler de Résurrection, bien sûr. Ah, on va regarder mort. On va parler du couple incroyable Spuffy, hein. Buffy et Spike. Tout à fait. Qui commence. Et on va parler de ce qu'on a fait tout ce week-end, hein. C'était la Comic-Con, c'était pas mal. Ah, alors on dit la Comic-Con ou le Comic-Con? Alors ça, on vu sait que pas. C'est con, bah, pour faut... convention, je suppose que c'est là. Bah oui, mais moi j'ai entendu dire qu'il fallait dire the. Non, c'est là. C'est, je ne sais pas. Je crois que sur le site officiel, c'est marqué le. Il faut aller regarder sur les internets. Voilà, après on aura des petits coups de cœur et puis juste avant, on fait des gros bisous, tout ça, comme d'hab. Ah ouais, ça c'est cool. Je vous rappelle le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy pour mieux comprendre la série et l'apprécier. Ah, ça a juste valeur. Il bosse. Voilà, si vous voulez. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et plein d'autres sites incroyables comme Deezer depuis peu. On s'est fait racheter par Deezer, on l'a expliqué la dernière fois. Et aussi, on gagne de l'argent. Et aussi en vidéo, alors la vidéo, on va en parler. Il faut faire un point YouTube immédiatement. C'est là, il y a un gros drame ce qui se passe avec, YouTube. C'est le drama, oui. Si vous nous suivez, vous avez remarqué que on s'est fait le live a été coupé la dernière fois parce qu'on n'avait pas les droits et on veut passer un épisode de la série dans la webcam. Et à cause de ça, le live a été coupé. On retente l'expérience ce soir. On espère qu'on ne sera pas coupé, mais on n'en est pas sûr. Voilà, mais il n'y a pas la pression du tout, hein, tout va suspense, bien, détendez-vous. Et puis, de toute façon, au pire du pire, si on est coupé, sachez que, comme à chaque fois, vous retrouverez le podcast dans son intégralité, monté. Ou presque. Non, monté. Ah oui, bah oui, monté. Bien monté, avec du bon son incroyable, sur les internets, sur notre site que vous connaissez bien, pourquoibuffysignal.wordpress.com. Et sur nos sites partenaires, Slayer Revival, Buffy Angel Show et Cinéma Radio. Et j'ajoute une dernière chose pour la vidéo. Sachez que nos derniers podcasts qu'on n'avait pas pu mettre sur notre chaîne YouTube en vidéo, oui, sont disponibles sur Dailymotion. Eh oui. Alors voilà. Site français. Je sais que Dailymotion, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Site français, voilà. Cocorico. Mais vous pouvez avoir la vidéo avec la vidéo de l'épisode et tout, hein, comme avant, sur notre chaîne. Nous avons une chaîne Dailymotion. Tu les mets dans les articles. Et voilà. De toute façon, voilà. Quand vous ne savez pas où nous trouver, sur notre site et sur notre site, qui est même un blog en fait, dans l'article du podcast en question de l'émission, on retrouve le lien qui va bien. Il faut savoir que Guy et moi-même, on scrute le chat. On est là pour... Ah oui, ils sont aussi, oui. Putain, ça, on l'a pas dit. Un peu le SAV. Ah oui, il faut le préciser. À chaque fois qu'il y a des choses qui vont être écrites avec le blaze « Pourquoi Buffy, c'est génial ?» Voilà. Je me désolidarise complètement. C'est Émile et Guy qui écrivent. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Bon, il faut que vous sachiez, en termes de ligne éditoriale, bon, peut-être un peu valeur actuelle. Quoi, quelque chose comme ça. Ah non. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her, yeah, and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Super, les gros bisous. Riley. Pourquoi non, mais je sais pas, l'enchaînement était marrant. Riley. C'est moi qui commence les gros bisous. Bah ouais. Est-ce que vous êtes allé voir sur iTunes récemment? Oui. Oui. Oui. Ah, tu veux, c'était ton gros bisou peut-être? Mais non, vas-y. Sur iTunes, il y a eu un message très drôle qui nous. Déjà, la personne nous a mis 5 étoiles. Alors, qui est cette personne? C'est Bounouf. Bounouf. Qui touche à son micro? Bounouf. Émile, c'est toi qui touches à ton micro? Non. Arrête de tripoter ton micro. Il aime bien sa musique sur Je crois que c'est Guy qui touche au micro d'Émile. C'est Guy. Oh, d'accord. Bah, alors, mais allez, les gars. C'est chaud. C'est limite. C'est très très vite. Donc Bounouf qui nous a laissé 5 étoiles et qui a dit que c'était sa copine qui l'avait obligé à lui mettre 5 étoiles. Et il précise, je ne sais pas qui vous êtes. Donc c'est assez marrant. Et sinon, des gros bisous à tous les gens qu'on a vus à la Comic Con. Aujourd'hui. Et hier. Et hier, donc Big Game, bien sûr, Clips, Carole, Lou, Gauthier, Kevin, Yaël, Simon, Martin. Et tous ceux qu'on oublie. Laura et tout, on oublie tout. Ouais. Des gros bisous. Et Elisa, Mathilde. Et Lisa. Mathilde qu'on a vu tout à l'heure avant de partir, c'était cool. Tout à fait. Et Elisa, oui bon, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. T'as oublié de faire un gros bisou à Élément Herchon. Élément Herchon. Ah bah ah oui, mais effectivement. Ouais. Sur YouTube, sur iTunes aussi, qui nous a mis 5 étoiles. Ah oui, non, je l'ai zappé. Non, c'était avant. Hein. Non, je l'ai pas vu. C'était là. D'accord. Il y a un pseudo assez étrange, mais. Ouais, c'est pour ça que je. Gros bisous à toi. Gros bisous. Selkis, est-ce que tu as des gros bisous? Ouais, pour rester dans le thème, si jamais ils nous écoutent un jour, on fera un gros bisou à Mirific, qui elle sait parfaitement pourquoi Buffy c'est génial. Ah. Et Jade, qui est en train de découvrir pourquoi Buffy c'est génial petit à petit. Mais ça, on les coach, moi, on les coach. C'est très bien. Dans la Sarthe, on coach les nouveaux adeptes. Voilà. Vous êtes tous comme ça en Sarthe. Il faut évangéliser les gens qui ne savent pas que Buffy c'est génial. Tu fais un peu peur quand même. Ah bon. au niveau Guy et Emile, est-ce qu'on a du gros bisou, les gars? Bien, un gros bisou à Antoinette. Ah oui, gros bisou Antoinette. Ouais. Qui t'a fait découvrir Buffy, c'est ça hein? Eh oui. Moi, je voudrais faire un gros bisou à tous les vendeurs de la Comic-Con qui nous vendent, par exemple, des figurines pop. C'est assez bien. Émile, c'est un mec qui dénonce. Hein. C'est un Non, mais vraiment. C'est un mec engagé. Voilà, j'avais l'impression d'être sur Internet en vrai. Mais pour 22 euros. Merci. merci beaucoup, Émile. Et tout de suite, ça va être la rubrique de On refait le match. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps, je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Et oui, on refait le match, la rubrique qui nous permet chaque semaine de revenir sur un épisode précédent. Et de parler de Pascal Pro. Et de parler de Pascal Pro, que j'adore. Pascal, je t'aime. Et de préciser des choses qu'on aurait éventuellement oublié de dire. Moi, je vais revenir sur le podcast lequel? Living Condition, tout à fait, avec la coloc Cathy. Big M nous précisait que le nom de famille de Cathy, c'était Newman. Newman. Tout à fait. Qui, en français, veut dire... Comme dans Alerte à Malibu. Ouais. Déjà, comme le personnage moustachu d'Alerte à Malibu. C'était un vrai sauveteur. Voilà. On en parlera dans le dossier. Mais surtout, qui veut dire nouvel homme, nouvel être humain, tout ce qu'on veut. Ce qui nous donnait un indice sur son identité de démoniaque, qui est toute nouvelle dans le monde des humains. On avait aussi profité, on avait parlé dans cette fois c'était pour notre podcast Evil Dead. Vous vous rappelez du podcast hors série Evil Dead? Podcast incroyable. Clément, tu t'en rappelles très bien? Aucun souvenir. Tu étais rédac chef de ce podcast. Oui, tout à fait. Et ben on avait évoqué le travail de Pitou. On lui avait fait un gros bisou pour son travail universitaire sur la saga Evil Dead. Et on a fait une erreur. Et figurez-vous qu'on s'était trompé un peu dans l'intitulé exact de son travail. Donc voici le bon intitulé, c'était. Ouvrez les guillemets, les sources d'inspiration de Sam Raimi pour la trilogie Evil Dead. Enfin, fermez les guillemets. Donc il y parlait pas seulement de cartoon en fait. Voilà. Et sa note, elle a pas été ouf. Parce que. On avait dit 13. Il a eu 13 quand même. On a misé sur 13. Oui, mais il s'attendait à mieux, mais il a pas eu une note ouf parce que son directeur de mémoire était plus fan de Dabas Kiarostami que de Sam Raimi. C'est vrai. Selon ses propres termes. Alors c'est pas de bol, effectivement. C'est un peu pas de bol. Et une dernière chose, dans l'épisode. Enfin, pour moi, dans l'épisode 22 sur I Robot You Gen, j'évoquais dans cet épisode-là. Tu les as tous réécoutés ou... Dans mon site M Buffy. Mais non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des. Maintenant, on fait tous les mois, donc il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, beaucoup d'erreurs à corriger. Non, ou à préciser, vous avez vu. Oui, c'était plus des précisions, c'est vrai. Là, c'était une précision. Enfin, c'est presque un système Buffy. Enfin, vous allez voir. Moi, je parlais de la bande-annonce de ce film nul, là. Comment ça s'appelle? Suicide Squad. Suicide Squad. Mais la bande-annonce était magnifique, car magnifiquement bien montée sur le morceau. De Queen. De Queen, Bohemian Rhapsody. Et. Breaking News, le film est nul. Ouais, on s'en doutait, mais la bande-annonce était fantastique. L'avantage, c'est qu'il a très peu influencé les cosplayers. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Très peu d'Harley Quinn et de Joker. Zéro Harley Quinn, dans ce Comic Con. Et bref, donc je criais au monde entier mon amour pour Quinn. Et figurez-vous qu'on par l'intermédiaire de messages et des internets, GP qui nous écoute et qui est lui aussi fan de Quinn m'a dit qu'il fallait absolument que j'écoute un podcast qu'il avait fait lui sur Quinn. Et figurez-vous que je l'avais déjà écouté et que j'en avais pensé que du bien. Et donc je me permets d'en parler ce soir. C'est pour vous dire, si vous aimez Quinn, allez écouter son podcast. Donc c'est un What the Duck hors série sur le groupe Quinn de musique, donc parce qu'il y a plein d'extraits, il y a plein de petites anecdotes géniales. Et si vous ne connaissez pas ce groupe formidable, Freddie Mercury, bien sûr. Et ben allez écouter aussi, vous allez découvrir de la grande, très grande musique. Et What the Duck, s'ils font un podcast jeu vidéo, genre jeu vidéo à la base. Et là, parfois, c'est hors série. Parfois, ils font des petits hors série. Et ce sera beaucoup mieux de découvrir Quinn comme ça plutôt que dans Suicide Squad. Parce qu'il y a aussi dans le film le morceau. Oui. Oh merde. Est-ce que vous aviez dû. On refait le match, messieurs. Messieurs, dames. Non. Guingamp a gagné 3-1 contre l'Olympique Lyonnais. Putain, pourquoi on l'a pas fait avant? Guingamp, c'est 20 km de chez moi. Non, mais en vrai, c'est un vrai résultat que tu nous donnes là? Oui, en direct. Ah, mais c'est vérifie, on c'est pas la sûr. Crise à Lyon, on est d'accord? Oh, bah oui. On en parlera dans le podcast foot qu'on prépare. Qu'on va préparer. Sans Moscato et tout ça là. Mais ouais, ça va pas du tout. Alors, tout de suite, pas là, par contre. Passons à la rubrique sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Oh là là, rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Alors, Riley, c'était quoi le sondage de la dernière fois? Raconte-nous. Eh ben, il n'y avait pas de sondage. Hein. Ça commence bien. Bravo. Pas du tout, c'était une énigme de Tonton Giles incroyable. Et figurez-vous que personne ne l'a trouvé. Ah bon? T'es sûr? Jusqu'à hier. Parce qu'en fait, donc, il fallait retrouver des chiffres disséminés au sein du dernier podcast, dont certains ont été coupés au montage, donc c'était très simple de trouver. Donc personne n'a trouvé le numéro de téléphone. Et finalement, Big M, hier, en plein pendant la Comic Con, Big M trouve la réponse. Pas du tout aidé d'ailleurs, parce qu'il avait envoyé une cinquantaine de messages. Il m'a montré son téléphone à plein de gens, il a testé plein de choses. Il faut saluer cet acharnement. Donc c'est Big M qui gagne l'énigme. Ah, voilà, haut la main. Grosse dédicace. Gros. Alors, juste, je fais une parenthèse, on parle beaucoup du Comic Con ou de la Comic Con. Est-ce qu'on a précisé qu'on allait encore plus en parler tout à l'heure? On n'arrête pas de le dire, je pense. Restez à l'écoute. On a passé 2 jours au Comic Con, on a rencontré des gens formidables. Dont une certaine Elisa Dushku. On a plein de choses à vous raconter là-dessus. Et Mystique aussi. On a rencontré Mystique. Sangoku, on a rencontré plein de gens. Ouais. On en parlera après l'épisode. Voilà, si vous voulez savoir comment s'est passé le Comic Con 2016 à Paris, restez à notre écoute. Je te laisse poursuivre, Riley. Ah bah non, bah voilà, bah, c'était une super énigme et Big M a gagné un comics Buffy, comme prévu. Car il y avait un cadeau avec cette énigme. Bah je l'avais dit dans le dernier podcast, si vous l'avez bien écouté. Et on l'a bien donc écouté. Big M, on en parlera en privé, mais tu me diras lesquels tu n'as pas, parce que peut-être c'est risqué à offrir des comics Buffy à des fans de Buffy peut-être. Bravo, bah, bravo, belle énigme, bravo messieurs. Alors tout de suite l'épisode du jour. On attaque le gros. Je crois qu'on est résurrection. Ouais, attention, c'est parti. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Sans plus tarder, on va parler donc de Buffy. Aujourd'hui, l'épisode, c'est Afterlife, Résurrection en VF, l'épisode 3 de la saison 6. Écrit par Jen Espenson et réalisé par David Solomon. Est-ce qu'on ferait pas un petit point IMDb sur ces gens, Clément, Riley? Moi, j'ai fait des recherches pour le point IMDb, si vous tout savez. Ouais, bah ouais, on aimerait bien. Et Jen Espenson, on la connaît très bien, pilier de la série. Et David Solomon qui a réalisé 19 épisodes de Buffy, quand même. Dont Beer Bad, dont on a déjà parlé. Le fameux. Donc Afterlife a été diffusé pour la première fois le 9 octobre 2001 sur UPN. On l'avait dit ça ou pas? Non, on l'a pas dit. Donc nouvelle chaîne pour Buffy. Nouvelle chaîne, on l'a dit plusieurs fois, plus de budget, ouais. Tout ça. Donc là, c'est le troisième épisode, c'est encore un début de saison. On sent un petit cycle début de saison, hein, après. Tout à fait. Ces derniers épisodes, c'était ça. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit pitch, Riley? Alors j'ai préparé un petit pitch. On s'en doutait un petit peu. Et j'ai envie que ce soit Guy et Emile qui lisent le pitch. Alors, on lit quoi là? On lit à partir d'où? Non, on les entendait très bien. J'ai préparé un petit pitch. Tu peux parler sans crier, c'est bien. Bah écoutez, vous commencez à me casser les noix. Donc Buffy est de retour après son terrible sacrifice dans The Gift à la fin de la saison 5. Buffy est donc vivante, mais elle est totalement désorientée et elle se comporte bizarrement. De plus, Willow réalise qu'en ramenant Buffy à la vie, elle a aussi ramené un démon et un hitchhiker. C'est des autostoppeurs, ça, non? Voilà. Ouais. Tout à fait. Un démon. Un démon autostoppeur. Très bien. Voilà, on s'arrête ici ou on lit pas la suite? C'est tout, non? Ouais. C'était pour prouver que tous les pitchs sont préparés à l'avance. Très bien. Merci. Bon, par contre, les fautes d'orthographe, on va revoir les participants. Mais ça, passés. Tu me diras après. Alors, COD, COI, on y va. Oh, mais c'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire un podcast audio, hein, parce qu'écrire, c'est beaucoup trop compliqué. Là, on peut faire des fautes de français, ça passe. Comme on veut. On est prêt? Comment ça se passe? Tout le monde est prêt? Oui. Guy, t'es prêt? Je suis très prêt. Ah, il est très très prêt. Alors attention. Munissez-vous de votre télécommande. Car c'est maintenant. Munissez-vous de votre souris, si vous regardez sur un PC. Nous allons regarder l'épisode 3 de la saison 6, Afterlife, Résurrection en VF. Attention. Est-ce qu'on l'a dit ça? Oui. Je lance l'épisode dans 3, 2... Beaucoup de suspense. 1. Attention. Il va dire top. Ça top. Rappelle la photo de Stéphane. C'est parti. L'épisode est lancé. Ouh, il y avait du son. Faut que je vire le son. L'épisode est parti. Et il est parti. C'est un previously. Ça commence avec un previously. Dans lequel Buffy dit à Spike que la seule chance qu'il a d'être avec elle, c'est quand elle était inconsciente. Et c'est justement à peu près l'état dans lequel elle va se trouver Buffy pendant presque toute cette saison 6. Après plusieurs résurrections, elle a déjà ressuscité plusieurs fois, hein, rappelez-vous. Une seule fois? Oui, non, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Ah, oui, mais vrai. Voilà, elle va ressusciter pour de vrai cette fois de manière psychologique dans la saison 6 avec As You Were ou Normal Again ou Villains. Elle va vraiment sortir de cet état un peu végétatif dans lequel elle va être dans ce début de saison 6. Mais avant ça, bien que physiquement vivante, elle est psychiquement pas là. Buffy est une sorte de zombie pendant presque toute cette saison et c'est ce qu'on va vous montrer. Donc séquence 1, on a la petite équipe qui vient de croiser la revenante Buffy hein, à la fin du dernier épisode. Elle était en train de défoncer des démons, mais elle s'est barrée et là il la cherche. Ouais, là ça commence juste après l'épisode d'avant. Oui, et on retrouve quelques démons motards dans les rues de Sunnydale, une manière de montrer que l'épisode se situe immédiatement après le précédent. Le double épisode qui commençait cette saison 6. Et c'est un marqueur important parce que le feuilletonnement dans cette saison 6 va être beaucoup plus important que dans les autres saisons. Et il y aura de nombreux épisodes comme ça où il n'y aura quasiment pas d'ellipse entre deux épisodes, par exemple. C'est vrai sur la 7 aussi, ça. Quand la 7, c'est hyper feuilletonnant. C'est... Exactement. Exactement. Et donc là, ils débattent sur leur Buffy. Est-ce que c'était la vraie Buffy? Comment elle allait? Tout ça. Et il faut toujours écouter Anya. Hein, c'est un conseil que je donne à tout le monde autour de cette table. Anya, elle a raison 9 fois sur 10. Et là, elle dit She's broken. Elle est cassée. En parlant de Buffy. Et effectivement, elle revient des morts. Et à chaque fois qu'elle revient des morts, elle n'est pas exactement la même. Rappelez-vous, le When She Was Bad, le premier épisode de la saison 2. Ou alors Deadman Party, le deuxième épisode de la saison 3. Il faut que Buffy est renouvelée à chaque fois. C'est marrant, ça, ce concept. De la faire revenir différente un peu à chaque saison. C'est toujours un traumatisme. Et pendant que tout le monde se voile la face. Exactement. Ouais. Ouais, en fait, ils sont vachement égoïstes, je trouve. Non, c'est des ados, ils en ont rien à foutre. Ouais, le Scooby-Doo, ouais, ils veulent Buffy, Anya, elle appartient. Quoi. Elle a je ne sais combien d'années, Anya, donc c'est peut-être la seule adulte. Ouais, ouais. Puis qui la connaît moins bien que les autres, ils sont un peu égoïstes, je trouve, dans cet épisode, en fait. Dans toute la saison. Le retour, ouais. Dans toute la saison jusqu'à l'épisode musical. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Le poteau rose, ouais, c'est bizarre qu'on a le droit de spoiler ou pas? On part du principe que tout le monde a vu l'intégralité de Buffy. J'espère qu'ils ont tous vu, sinon coupez tout de suite et allez voir tout Buffy. Bah, oui, surtout celui-là. Mais le Scooby-Gang peut être aussi vu comme une espèce de d'allégorie du public. Le public qui ne veut pas voir Buffy partir, ils ne voulaient pas rester sur cette fin de saison 5, ils ne veulent pas vivre sans leur amie Buffy, ils ont besoin d'elle tous les mardis soirs à la télé. C'est exactement ça. Et donc ils ressuscitent coûte que coûte, quitte à lui faire revivre l'enfer sur Terre. Buffy appartient aussi aux spectateurs. Tout à fait. C'est moche. Non, je trouve que c'est plutôt beau quand même ce que tu as dit. C'est parti. Et ben là, donc, nous sommes dans, à l'intérieur de la maison de Buffy. Donc pour l'instant, elle vient de renaître en fait. Elle débarque dans cet enfer. Hein, on le dit dans Buffy, dans Angel, dans toutes ces séries, toutes ces séries de Joss Whedon. L'enfer est sur Terre. Elle en remarque sur la photo aussi, c'est vachement bien. Oui. Peut-être oui, le plan photo sur la mort, oui. Elle s'arrête juste au moment où elle regarde la photo et elle cherche sa mère, finalement. C'est le seul indice. C'est ce que tu mettais, c'est bien vu, je trouve. Elle cherche. Alors, je voulais que je développe plus. Mais non, mais elle, le premier truc qu'elle voit, c'est la photo de sa mère. Sa mère est absente, elle fait une résurrection sans mère. Quoi. Une naissance sans père ni mère. Donc c'est d'autant plus compliqué pour elle à vivre. Et donc là, on garde cette idée de la naissance avec la toilette, la première toilette du nouveau-né. Mais ça peut aussi rappeler la toilette du corps du mort avant de présenter le corps à la famille. Et c'est ce qui va arriver. Elle a un peu le même jeu d'actrice très désincarnée, justement dans l'épisode où sa mère meurt, où elle a ce genre de jeu très neutre, très vide. Complètement. On retrouve ce jeu-là chez Sarah Michelle Gellar. Ouais. Les costumes aussi, c'est important. Elle porte un chemisier blanc, comme le pull qu'elle portait le soir de son sacrifice. Cette idée de pureté, de machin. Mais le blanc, on a tendance à l'oublier, c'est aussi la couleur du deuil, notamment en Asie, dans certaines cultures. Et il y a longtemps, c'était ça. C'était aussi donc toujours ce rapport naissance mort. Elle est en train de vivre un peu ces deux choses-là. Elle vit une renaissance. Quand même. Et c'est aussi une morte vivante. Elle a beau naître, elle est toujours morte dans la tête. Et donc on a Dawn qui essaye de se comporter comme une mère pour sa grande sœur. Mais elle galère, voilà. On voit Buffy chercher, être toujours à la recherche de sa mère, à la recherche de repères, des repères qui sont plus du tout là. Dans la chambre de sa mère, qui n'est plus la chambre de sa mère. C'est la chambre de qui ? La chambre de Tara et Willow. Rien à voir avec Joyce, donc. D'ailleurs, Tara et Willow qui vont se comporter, je trouve, comme les. Enfin, je le mettais plus tard, mais que comme le nouveau couple, la mère, enfin, qui remplace un peu, qui dirige Willow, est vachement leader dans cet épisode, je pense. Je trouve. Elle elle dirige l'équipe, celle qui prend la décision de. C'est une famille. Ouais, mais maintenant la figure maternelle, c'est Willow, quoi. C'est ça. Par certains aspects, ouais. Buffy retrouve la vie et sa vie est donc une vie d'orpheline et la vie, c'est nul. C'est ce qu'on dit souvent. Et on vous souhaite également une bonne soirée. Une bonne soirée. Un bon samedi soir. Et là, à votre compagnie. La semaine, t'as parlé de Giles aussi. Oui, parce que Giles est absent, donc la figure maternelle est absente et la figure. D'ailleurs, c'est la première question qu'elle pose, parce qu'avant elle parle pas vraiment en fait. Là, elle demande juste où est Giles. C'est son seul repère au final quand ça part vraiment en couille. Je ne me souviens plus de l'épisode précédent. Giles, il le sait ou pas encore là? Il le sait toujours pas. Il va le savoir dans une ellipse. C'est ça, oui. Ouais. Donc ils ont plutôt pas trop intérêt à la ramener pour le moment. C'est triste. Guy et Emile, comment ça se passe sur le chat? Il verse une larme. Écoutez, on anime effectivement. Il y a beaucoup de réactions. Qu'est-ce que ça dit? On nous a demandé pourquoi l'épisode est en miroir. Ah. Aïe. Pour essayer de contrer YouTube. C'est notre plan diabolique. Petite astuce. Allez, Spike est là. Pour ne pas se faire striker. Priorité direct, Spike est arrivé et il est en gueule d'aune. Il fait directement les sourcils faussement méchants. Il essaye de les froncer très fort, mais c'est pas très crédible. C'est marrant avec Dawn. Parce que dans un premier temps, donc Spike pense qu'il a affaire au Buffy Boat. Et là, dans ce et plan, là, regardez, ouais, son regard a changé. Quand même. Il comprend qu'il a en face de lui Buffy. La vraie. Et c'est ici que commence une relation très très forte entre Spike et Buffy. Pas trop bouger les micros. Spike et Buffy qui se concrétisera par du sexe, hein, carrément. Spike, le vampire mort-vivant, est le seul qui peut comprendre la Buffy morte-vivante. Ça commence par cette histoire de plaie. Mais avant que ça baise, ça commence par cette histoire de plaie sur les mains. Vous voyez, la Buffy. Ah ouais, mais ça, c'est bien aussi. Il n'y a que Spike qui s'en rend compte. Et ses amis qui l'ont pourtant vu n'ont pas compris ce que c'était. Lui, c'est le seul à bien comprendre et à bien interpréter ce que c'est cette histoire. Parce que lui a passé la même épreuve, l'épreuve qui consiste à sortir soi-même du cercueil à travers la terre, comme le nouveau-né qui doit s'extirper tout seul avec l'aide de à coup de poing, ouais, bon, c'est ouais, ça. Les Toubib expliquent que c'est une expérience extrêmement traumatisante pour les nourrissons de sortir eux-mêmes du ventre de leur mère. Ah, d'être propulsés comme ça dans la réalité. Ils doivent passer par un conduit extrêmement étroit et c'est pour ça qu'ils crient et qu'ils sont pas contents. Tu veux qu'on mette des photos, une vidéo ou quelque chose? Parce que là, t'as l'air bien parti sur la description précise. C'est la même idée. C'est la même idée avec cette sortie du cercueil, cette naissance. Traumatisant. Traumatisant. Extrêmement. Ce plan est génial avec Spike et Buffy. Là. Le plan est magnifique entre Spike et. Ils sont la même hauteur. Ils sont voilà. Ils, ça fait miroir justement. Et Dawn s'est éclipsé et voilà, on nous annonce ce que va être cette saison. Enfin, Buffy et Spike vont être sur la même longueur d'onde. Ils vont se retrouver. Plein on en reparle à la fin de l'épisode. Voilà, plein de similitudes. Oui, on va reparler de ça, mais je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les deux acteurs qu'il n'y a pas eu forcément carrément avec les autres romances de Buffy. Bah, à part Riley, évidemment. Merci. À part l'extraordinaire Riley et son jeu qui m'a. Il m'a touché, il m'a ému jusqu'au bout. Surtout son départ, nous en parlions. Et donc la priorité au direct, ouais, les amis reviennent. Le Scooby Gang arrive, ils sont tous à la recherche de la Buffy réelle. Et ils se rendent pas compte qu'inconsciemment, ils lui demandent de se déshumaniser. Hein. Alors c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais ils veulent une Buffy comme avant. Une Buffy qui aime la pizza, hein, c'est ce qu'ils disent. Ça leur convient totalement, ils cherchent pas à savoir de qui est la nouvelle Buffy, par quoi elle est passée. Ils veulent juste qu'elle soit pareille, ils veulent pas qu'elle soit différente. Ça leur ferait peur un petit peu, une Buffy différente. Ils arrêtent pas de s'inquiéter, est-ce que t'es comme avant, est-ce que t'es sûr que tout va bien. Ils s'inquiètent de savoir si Buffy n'est pas un espèce de zombie, mais bizarrement Buffy va devoir jouer le zombie, jouer machinalement le presque un Buffy bot, faire les choses comme elle faisait avant, de manière machinale, pour paraître humaine aux yeux de ses amis. La mise en scène le montre vachement avec la plongée et la contre-plongée. Ouais, sur le groupe qui sont quatre et elle est toute seule, toute petite dans le canapé. C'est cool. David Solomon, on l'a dit, hein, super réalisateur. 19 épisodes de Buffy, vous avez pas écouté, la télé a explosé à ce moment-là. Mais... David Solomon. Je t'avoue qu'au moment où la télé a explosé, je m'inquiétais d'autre chose. David Solomon, réalisateur. Très bien. C'est lui qui vous... Il a fait quoi d'autre en gros épisodes? C'est le père de Bruno Salomon, c'est ça. Birbad, excellent épisode qu'on a commenté. Enfin, excellent épisode. Et avant de réaliser, il a monté une boîte de ski, les skis Solomon. Okay. Ça, on peut pas couper. C'est drôle. C'était mal excellent, je vais pas les couper. C'est très drôle. C'était excellent. Guy et Emile ne valident pas cette vibe. On est gênés là. Bah, essaye d'en faire des mieux, mon gars. Je crois que vaut mieux qu'on se taise. C'est ça. Donc là, c'est une excellente blague, mais il faut que ça continue. On va se retrouver. Mais nous, on aimerait un peu plus la parole aussi sur le commentaire d'épisode, parce que j'ai l'impression un petit peu qu'on nous a un peu cantonné dans un rôle de. Non, c'est pas ça. De sniper. Vous connaissez pas la règle. La règle, c'est qu'on intervient quand on veut. Bah, voilà. Non, mais moi, je suis gêné quelque part. Mais sauf avoir quelque chose d'intéressant. Parce à dire. Que voilà, parce que tes commentaires de texte de prof de français de 4e là, techno, tu commences à nous enquiquiner un peu. Est-ce qu'on n'y verrait pas plutôt hein, dans l'apparition de Buffy quelque chose d'un peu christique, moi j'ai envie de dire. Alors, abordons la question de la religion dans la série. Et tu te crois pas si bien dire, mon petit Émile, on va en parler tout à l'heure, avec notamment un plan où la question de la religion et de la mysticité du personnage de Buffy va prendre tout son importance. Voilà, priorité au direct, quand Spike plaque Xander contre l'arbre, on peut se dire qu'il y a une petite erreur d'écriture, hein, puisqu'on devrait avoir, il devrait avoir mal au crâne, hein, je rappelle qu'il a une puce à cette époque. Il le joue. Sauf que si on y regarde très très près, Jess Masters fait un petit mouvement de tête vers le bas qui peut sous-entendre que la puce lui fait mal, mais comme il est très très colère, il l'intériorise. Excusez-moi, mais c'est vraiment pas flagrant quoi. Au lieu d'hurler quand il. Mais t'as bien regardé Clément ? Il le joue. C'est trop léger, je sais pas. Alors il joue mal. Peut-être qu'il est tellement déstabilisé par le truc que ça ne fonctionne pas sur la puce, puisqu'elle agit sur ses émotions agressives et que là il n'est pas dans un état agressif, il est dans un état désespéré. Mais regardez ce passage. On râlera pas maintenant, hein, vous allez décaler. Il est question de Dragon Ball Evolution sur le chat. Non, c'est faux, c'est pas possible. Non. Je vous crois pas, c'est vous. Non, mais je suis sûr que c'est une connerie. C'est Goten qui parle de Dragon Ball. C'est Goten. Je suis désolé, mais il fallait que ce soit souligné. Je suis désolé, mais off mic, on avait demandé à nos chroniqueurs de ne pas évoquer. Parce que, oui, mais c'est indiqué sur le chat. Oui, mais je le dis à Goten, c'est parce que Emile est très très fan de ce film. Oui. Et c'est bien seul. J'aime autant que Riley. Sinon, j'ai des goûts très sûrs. Sinon, Spike vient de dire quelque chose de très important, c'est que la magie a toujours des conséquences. Et ça va se vérifier dans cet épisode. Et surtout dans cette saison. Oui, je rappelle, on est en début de saison, on l'a déjà répété dans les autres épisodes qu'on a fait sur les débuts de saison. très important les débuts de saison. On met en place les arches de la saison, notamment cette histoire de la magie qui va devenir dangereuse, notamment pour Willow. Et puis on enchaîne directement sur la scène entre Willow et Tara. Du coup, après qu'il ait dit que la magie ait des conséquences, ouais, c'est bien d'enchaîner sur les deux gonzesses. Des paroles prophétiques. Qui vont sacrément partir en couille. Ou en auvergne. En saison 6, ouais. Mais oui, alors pour l'instant, elles ont l'air de d'être. C'est vraiment. C'est le couple parfait. Ouais. Les parents parfaits. On parle des petits problèmes. Il y a que moi qui trouve ça très creepy qu'elle s'installe dans la chambre parentale. Au bout de 147 jours, de ouais, chez... je me suis demandé. Ouais. Dans la chambre parentale de chez Buffy. Non, mais c'est parce que Dawn a personne en fait. Elle n'a pas aucun adulte. Ouais, mais je... C'est les tatas de Dawn. Elles doivent s'occuper de la petite Dawn. Non, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais je trouve que Spike, il agit un peu comme un papa aussi. Il essaye en tout cas, peut-être avec Dawn, de la protéger. Oui, et de plus en plus après dans. Ce qui fait que Buffy a encore plus de mal à trouver sa place. Donc déjà qu'elle est déboussolée, elle ne peut même plus jouer ce rôle de protectrice de Dawn. Elle a été remplacée par Tara et Willow. Juste, on précisait que Willow a fait une petite blague sur Giles qui essuie ses lunettes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que. Les fans le savent, dès la saison 1, on retrouve ce tic de jeu que Anthony Head fait pour caractériser le personnage de Giles, où il essuie ses lunettes quand il est contrarié. On appelle ça faire une Giles, hein, d'ailleurs. Voilà, et ça c'est drôle parce que, une nouvelle preuve que cette série, on le répète souvent, cette série a de la mémoire, cette série a conscience d'être une série, et a conscience de son passé. C'est même plus les fans qui font une vanne sur Giles essuyant ses lunettes, c'est Willow elle-même. Donc, c'est drôle. Ça arrive dans pas mal de. Tout à fait, oui, séries, ouais. Bien sûr. Dans Lost, par exemple, c'est saison 6, ils n'arrêtaient pas de faire des références. Ah, elle est là. Souvent dans les bonnes séries, c'est ce que j'allais dire. Souvent dans les bonnes séries. Lost n'est pas une bonne série. Lost, saison. Lost aurait pu être une bonne série. Attention. Attention, vous passez un truc incroyable. Vous saturez, parce que là, s'il y a des balles. Parlons de Buffy, on est sur un podcast Buffy. Non, mais j'aime autant Lost que Dragon Ball Evolution et Riley. Aussi bien. Willow. Priorité direct. Une invitée Selkis, personne. Willow est un peu comme c'est une. Silence, priorité direct. Willow est un peu comme une enfant qui veut que tout reste pareil, on l'a dit tout à l'heure, et que rien ne change. Alors que Buffy dans The Gift, rappelez-vous, elle fait un énorme choix. Elle fait le choix pour accomplir son destin de sauver sa sœur et de quitter ce monde, de s'émanciper de Sunnydale. Willow, elle ne se rend pas compte que son action, celle de faire revivre Buffy, fait régresser finalement Buffy en la ramenant à ce qu'elle ne voulait plus être. Et le méchant de cette saison 6, on le dit souvent, et même les producteurs et les scénaristes de la série le disent, le méchant de la saison 6, c'est la vie. Mais ça serait aussi un petit peu Willow. Willow qui, pour que la vie continue comme avant, a fait cette erreur de faire revivre Buffy. Donc la vie est dure, et de redonner la vie à Buffy, c'est ça le truc méchant. Et puis elle va faire un sacré paquet de conneries magiques pour que rien ne change au fur et à mesure. Elle va en faire beaucoup. Oui. Et alors que généralement quand jusqu'à devenir le big bad de la saison. Voilà, quand on vit un traumatisme, ce qu'il faut c'est aller vers l'avant, essayer de le dépasser. La méthode de Willow c'est plutôt le retour en arrière. Il y a eu un traumatisme, on va refaire comme tout était avant. Les crânes sur les photos. Donc, et là il s'est passé un truc effrayant. Donc des petites visions. Ah et c'est là qu'on voit. Vous avez vu ou pas à droite? Bah des photos. Mais pas à droite d'ailleurs. Si à droite. À droite pour les. Il y avait, une photo du groupe Filter. Filter qui était notre générique de début. Notre générique de début. Oh putain. C'est une géniale avec. Attends, priorité au direct. On parlera de Filter après là. Bien sûr. D'ailleurs je comprends pourquoi ils ont pas mis le cliff sur ça en fait. Pourquoi ils ont fini l'acte 1 sur les photos alors que c'est beaucoup mieux que de... Ah oui alors donc voilà. Les photos c'est je trouve ça fait. On est au début de l'acte 2 et on a la scène super angoissante où Buffy balance des trucs parce que la scène est plus longue, c'est peut-être pour une histoire de minutage aussi. Ouais, sûrement. Forcément. Cette scène est géniale. Parce que oui, c'est plus intéressant comme ça. Enfin comme tu dis, je veux dire. Sarah Michel Gellar, incroyable dans cette scène. Enfin le fantôme de Sarah. Oui, pardon. C'était une apparition. Oui. L'apparition. Mais donc oui, dans le truc des photos, j'y reviens. Hein, il y avait un petit flyer du groupe Filter, un groupe de rock américain. Voilà. Ok. Connais pas. Donc qu'on ne voyait pas dans l'épisode, quand l'épisode a été diffusé en 4 tiers, on pouvait pas le voir. Mais là, dans le 16-9, on voit les petits détails. Et donc on peut se dire que. Et voilà encore une petite information. Le chef déco aime bien Filter. Et il s'est dit que Buffy devait l'aimer aussi. Ce groupe, c'est un bon groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors voilà, oui. On peut dire que les filles commencent à baliser quand même. Parce que donc on a vu une Buffy psychopathe qui apparaît à Willow et Tara. Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que c'est leur. Ouais, il se passe un truc là. Explication dans le mur. sous la tapisserie. Un effet 3D incroyable. Sous la tapisserie. Une tapisserie qui nous ramène à un petit rat. Il se passe un truc sous la tapisserie. Et oui, qui nous ramène à un film dont on a parlé tout à l'heure, bien évidemment. Poltergeist. Il se rappelle plus du film. Mais tu vas nous le rappeler. Poltergeist. Mais c'est peut-être une référence à Fantôme contre Fantôme. Bien évidemment, avec Michael J. Fox. De Peter Jackson. Ah, bah oui. Forcément, c'est un hommage. Forcément, je pense que c'est un hommage. Et donc, alors, est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est... On sait pas trop. Et là, alors, du côté d'Anya et Alex, on se pose aussi des questions. Cette scène est bizarre aussi. Est-ce qu'on a fait les bons choix? On sait pas trop, quoi. C'est juste de la comédie de couple là, ce début de scène. Non, mais il pose tous ses couples très tranquilles en début de saison pour tout faire péter derrière. De toute façon, c'est son plaisir, je pense. Whedon, dans l'intégralité de ses productions, il fait pareil avec ses films. Ah, vous aimez les jolis couples? Bah, allez vous faire foutre, je vais tout péter. Non, mais toujours. Ouais. Toujours, ouais, c'est quoi ça, qu'il fasse. Raison, tout le temps. Il veut montrer que tous les couples vont bien, quoi. Et notamment celui-là avec Anya. Ah oui, la supervision aussi. Là. Evil Anya. Là, regarde-moi ce. Clément, ça te rappelle un film? Attends, pardon, excusez-moi, j'étais sur le chat. Evil Dead, oui, Evil Dead, évidemment. Bah alors là, mais c'est plus qu'évident parce que c'est une poupée en plus. Voilà, c'est complètement Evil Dead, c'est la plus grosse référence à Evil Dead de tout. Et ce plan là où Anya se lacère le visage avec un couteau, il était tellement choquant qu'il a été même coupé par la chaîne Sky One lors de la diffusion au Royaume-Uni de l'épisode. Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte. C'est dingue. Ils se rendent pas compte. Non, ça fait chier. Et là, nous sommes le lendemain matin, en plein soleil, le jour. Ce sera bipé, t'inquiète. Petite réunion à la cool dans le jardin. Et bim, on découvre immédiatement qui est le méchant. Hein. Pas trop besoin de chercher, c'est Anya qui nous balance le truc. Oh bah ouais. Mais ça va bien avec son personnage. Mais exactement. Ça va quand même plus vite quand il n'y a pas des recherches à faire dans les bouquins. Puis ils sont tranquilles, le méchant. C'est exactement ce que dit le public. Ils en parlent dans le jardin, tranquillou. Tranquillou. C'est vrai que c'est peu. En fait, la menace, on en reparlera tout à l'heure, mais elle est pas trop crédible. C'est vraiment juste pour. Comme du bon Buffy pour faire ressortir l'histoire des personnages et pas du tout. Enfin, le fantastique et anecdotique dans cet épisode. Une petite chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est une petite référence rigolote. Buffy disait à Willow et Tara, I know what you did. La Summer. Bien et sûr. C'est évidemment une référence au film formidable. formidable. Dans lequel a joué Sarah Michelle Gellar, I know what you did last summer. Souviens-toi, t'es dernier en français. On va revoir bientôt. Un film génial, on sera obligé de faire un hors-série dessus. Il est sorti quand par rapport à cet épisode Bien avant. D'accord. C'est 97, je crois, ou 99. Enfin, c'était pas par là. C'est après Scream, c'est 2 ans après. Scream. Elle a tourné en même temps que juste après Scream 2. Ouais. C'est entre la saison 1 et la saison 2. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a les cheveux plus courts au début de saison 2. Elle s'est fait couper les cheveux dans. Ah une autre utile par le pêcheur. Par le pêcheur, c'est vraiment coupé. Bon, on frotte beaucoup par là. Et si on faisait hors série? Ouais, bon, bref. Mes priorités au direct, Buffy porte cette fois du noir, un chemisier noir, comme un message à ses amis. Regardez, je ne suis pas pur, je ne suis plus la même. Allô, voilà. Non, c'est sûrement pas ce qu'elle se dit, mais oui, dans l'idée, oui, c'est ça. Mais ces idiots ne pensent qu'à lui dire que tout va bien, qu'elle ne doit pas s'inquiéter. C'est une très mauvaise attitude face à une personne qui subit un traumatisme. Il faut pas tenter de l'amoindrir ou de le dissimuler. Et c'est en fin d'épisode, et seulement auprès de Spike qu'elle trouvera du réconfort et une oreille, surtout une oreille attentive qui l'écoutera, et pas des gens qui essayent de la balader en lui disant que tout va bien. Ils n'essaient pas de la balader, ils sont sincères. C'est juste qu'ils pensent qu'elle est sincère. Ils pensent qu'à leur couple, Scooby Gang. T'inquiète pas. Ah oui, non, mais ils pensent pas aux conséquences. Ils sont morts de trouille et ils osent pas lui dire. Faut parler des choses. Parlons, hein, Emile. Faut parler des choses. Tu ne parles pas, toi. Sur le chat, on nous a demandé tout à l'heure quelque chose d'assez intéressant entre Spike et Angel. Alors, bien évidemment. Parle bien de ton micro, Emile. Ici, on parle de qui et qui incarne le mieux le grand frère entre Spike et. C'est Angel. Pascal. C'est Pascal. Oui, le grand frère de Dawn. Oui, et il précisait sur le chat que Angel faisait plus de stalker, effectivement. C'est vrai, d'accord. Ça fait. Voilà. Angel, il est bien pour être là pour regarder et pour rien faire derrière. Tandis que Spike, je pense que c'est le seul à s'en soucier sincèrement de ce qui peut se passer autour de Dawn. Pascal, le grand frère. C'est vrai. C'est bien, 5 minutes après, on prend la vanne, c'est pas mal. Elle était géniale en fait. Parce que Spike, le grand frère. Pas Skype, le grand frère. C'est pas Skype, le grand frère. Ouais. C'est là que je bonifie la vanne. Skype, non. Spike. Si, elle est bonifiée. Je m'explique. Je trouve qu'il la sublime. Un petit peu. Ouais. Merci, Clément. Clé-clé, t'es là. Clé-clé, là. Bon, t'allais dire priorité au direct. Une grosse scène. Ouais, mais bon, grosse scène. Pas tant que ça. C'est une scène ouais, où ça cherche le démon. Et toi, même Buffy, ouais, ça la saoule. Bah, elle aimerait bien que Giles soit là finalement. Bah, nous manque Giles. Il nous manque à fond. Bah, nous, ouais, aussi. Ouais, moi aussi. Hein, en fait. Voilà. Ce que j'aime bien par contre, c'est que Dawn elle se place toujours en opposition au Scooby Gang. Ça doit être la seule. Elle le faisait déjà tout à l'heure quand il y a SL qui les a arrêtés quand il parlait de pizza, tout ça. Et oh, là, putain. Bah, en plus, il y a un cliff dessus. Et Bill Dawn. Dawn, elle est à part dans ce. Donc là, c'est la fin de l'acte 2, début de l'acte 3. Attention. Un plan génial, attention, 3, 2, 1. Taupe. Et vous voyez ces ailes magnifiques qu'arbore Buffy dans un plan. Alors, bien sûr, c'est pas très subtil. C'est, pas, c'est le seul plan de la séquence. Quoi. J'ai peur que tu le remarques pas. C'est pas ouf, mais bah, c'est David Solon, c'est pas Joss Whedon. C'est super intéressant. Buffy, en passant devant cette statue, arbore des ailes d'ange. Elle passe devant une statue d'ange. Et alors, déjà, c'est un indice qui nous dit qu'elle était effectivement au paradis, alors que tout le monde se dit qu'elle, on était, le sait pas encore, ouais, qu'elle était en enfer. Et ça nous donne aussi des infos sur. Les anges étaient des messagers aussi. C'est ça qui est important. Elle n'est pas là pour sauver le monde. Attends, ça a jamais été un épisode aussi Evil Dead. Alors faut que je le signifie à ce moment-là. Dawn a craché du feu. Dawn crache du feu. Voilà, ça va encore plus loin qu'Evil Dead. On voyait même fait. Le lance-flamme dans le coin à droite, dans le plan. Mais non, mais tu ne l'as pas vu, voyons. Ray, si, tu n'as pas vu. Pareil, c'est dans les CQ qui n'ont pas été diffusés. Ouais. Je vous rappelle que Buffy, normalement, c'est du 4 tiers. On a des 16-9, du 16-9e sur nos DVD, mais c'est pas bien. Mais ça nous permet de voir le tuyau du lance-flamme, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est génial. Je fais bien de le préciser. C'est important. Donc oui, au tout début de la scène, moi je sais pourquoi elle s'est énervée, pourquoi elle a craché du feu. Vous savez ou pas? Eh bien, priorité au direct, enchaîne. Parce que... elle est pas bien. Anya est revenue avec du café et du chocolat pour tout le monde. Moi, ça m'énerve. Sauf qu'il y avait 5 personnes et qu'elle est revenue avec 4 gobelets. Ah, donc c'est très énervant. Ça veut dire qu'il manquait un gobelet pour quelqu'un. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle s'est énervée. Bah oui, donc lance-flamme, obligé quoi. Non, c'est radical. Vous êtes pas d'accord? Si, bah, c'est ça là, oui, bah, ouais, c'est la théorie. Mais je repensais à la copie conforme de la mise en scène de Cheryl dans Evil Dead 1. Voilà. Et Lisanne nous disait tout à l'heure que c'était ça qui s'était passé. Oh, on y reviendra. Spike tape dans le mur. Il tape dans un mur en caoutchouc. Oui. Alors là, lui aussi veut la blessure à la main. Le sang sur les mains, on a déjà évoqué cette petite technique scénaristique et cinématographique, donc dans l'épisode sur Helpless. Et ici la signification est un peu différente, hein, donc c'est un petit peu pour montrer qu'il se sent coupable, et donc il est énervé, il aurait voulu lui aussi être un sauveur de Buffy. Et ça nous rappelle ce que je disais, le lien qu'il y a entre Spike et Buffy, la main ensanglantée, ça leur rapproche une nouvelle fois de Buffy, qui avait aussi les mains en sang au début de l'épisode. Et je vous le rappelle, ils sont tous les deux morts vivants, hein, et le sang sur la main est là pour le rappeler qu'ils ont tous les deux ce traumatisme. Dans cet épisode, tout est fait pour nous dire que Spike et Buffy sont pareils, et ça va justifier que leur rapprochement corporel, qui sera déjà improbable et qui arrivera plus tard dans la saison. Buffy et Spike sont tous les deux cassés, inadaptés au monde dans lequel ils vivent, et ils penseront, à bien ou à mal, que la solution à leur problème, c'est d'être ensemble. Là, est-ce que c'est une bonne idée à ton avis, certain? Non, mais il vient de le dire. À bien et à mal. Tu ne te prononces pas. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est cette romance entre les deux. Non, moi, je suis pas d'accord. Pas du tout même. Et la preuve d'une mauvaise chose. Ben, peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est formateur. Exactement. Donc, c'est pas une mauvaise chose. On est d'accord. Mais là, pour l'instant, Buffy vient chercher un conseil auprès de Spike. Lui, il a pas encore totalement compris. Là, ce plan est génial. Là, regardez, il vient se mettre en face d'elle, mais quand même, il reste debout. Enfin, là, donc il s'assoit. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il restait plus haut qu'elle. C'était très bon ça. Il reste plus haut. Il se met en tant que professeur. C'est le professeur en mort-vivant de Buffy. Buffy vient chercher des conseils. Spike auprès de Spike, le mort-vivant, qui lui est mort-vivant depuis des dizaines d'années. Et qui est pas très bon à ça. Et voilà. Et non, sauf que voilà, il a pas pigé qu'elle venait chercher des conseils. Et lui, tout ce qu'il lui fait, il est amoureux, donc il sort ses vieilles excuses. Alors oui, c'est un peu touchant et tout, mais c'est pas du tout ce qu'elle était venue chercher. Pour preuve, sa réaction est complètement de marbre. Skype est incapable de Skype. Il n'y arriverait pas. Spike est incapable de se placer de toute façon en position de tuteur ou de conseiller, vu que on lui voit la réaction de lui a toujours besoin d'une femme forte sous la coupe de qui se mettre. Donc il est absolument incapable. C'est un soumis. Mais c'est un soumis. C'est un mec complètement soumis de sa vie et de sa mort-vie. De sa mort-vie. Bah oui. Ah oui, on l'avait un peu évoqué dans Crush, je crois, dans cet épisode-là, le rapport de Spike aux femmes. Il peut pas, il peut mère, pas. C'est compliqué. Harmonie et tout ça. Harmonie, il est plutôt dominant, du coup, mais ça se passe mal. Harmonie, tu. Spike et Harmony. Drusilla. Non, Drusilla. Ouais, non, mais quand il est avec Harmony, oui. C'est lui qui est plutôt le couple, le dominant dans le couple, là. Et du coup, ça se passe pas bien. Mais même ça, il arrive pas à le faire alors que c'est une grosse greluche. Mais non, c'est parce que c'est pas Buffy, tout simplement. Non, mais c'est vrai, il est incapable de faire quoi que ce soit, ce pauvre garçon, mais je l'aime bien. Clément, je sens que t'es spoofy, bah, fanboy. Bah non, mais je trouve que tu es très dur avec notre ami Spike. Ah, mais j'ai été très spoofy étant adolescente. Mais c'est fini. Mais maintenant, tu préfères Angel. Maintenant, non, maintenant, je trouve ça très rigolo, mais je suis un peu plus objective dessus. Et du coup, préfères Angel? Ah non. Ah bah, non plus. Non bah, plus. Tu préfères pas. C'est Clément, bah, d'ailleurs. C'est Clément, on est d'accord. Ah oui, c'est Riley avant tout, mais outre Riley. Ah aussi. Non, mais outre Riley. Un jour, j'arriverai à faire ça. Je suis très pro spoofy, comme vous dites, mais je ne considère pas ça comme une romance. Moi, je voudrais l'avis de Guy. Guy, t'es plutôt Riley, Angel ou Spike? C'est qui, Buffy? Très bien. Excellent. J'en profite pour rebondir là-dessus parce qu'en fait, en le crayon, débat. Toujours en crayon, bien bien. Oui, oui, parce que nous, en fait, on a un matériel un peu Lidl. Non, mais ne crie pas, c'est vrai, ça sert à rien. Alors, il fonctionne très bien ton micro. Mais comme ça, on m'entend, c'est sûr. Ah, ouais, là, alors, en fait, le débat se porte sur quelque chose d'autre, sur le chat. C'est plus, en fait, sur le fait qu'on ait parlé de Lost Orman. Ah, ben ça, fallait pas. Et à quelque part, moi aussi, je vais vous dire, non. Regardez pas Lost, regardez Joséphine Ange Gardien, c'est mieux ficelé. C'est mieux ficelé. Au moins, il y a une fin aux épisodes. On va dire priorité au direct, hein, parce que c'est n'importe quoi. Vous frôlez le troll. C'est maintenant le moment d'une scène assez classique, hein, dans Buffy, le moment un peu long et relou où l'intello explique aux autres qui est le méchant et comment le battre. Donc alors, on adore Willow, hein, c'est pas la question, mais c'est quand même un peu mieux quand c'est Giles qui s'y colle, on est d'accord. Il y a de l'essuyage de lunettes, il y a Xander qui fait des vannes, il y a des choses comme ça. Là, il écoute trop Willow. Ouais, là Willow c'est un peu trop parfait en fait. Willow elle est trop parfaite et donc elle explique bien les choses. Elle est obligée. Non mais c'est chiant pour le personnage, mais pour l'histoire. Ah bah oui, mais donc, c'est mieux quand c'est Giles quand même, non? Bah oui. Il y a des blagues sur le chat. Ouais, en fait on veut nous enculer, donc bon, écoutez, ça c'est un projet qui peut se négocier. Très bien, mais ta vulgarité te concerne. Non, mais c'est vraiment. Moi, je. Voilà. Un gros bisou alors. Je suis que le sur le chat. Un gros bisou. Priorité au chat. Direct. Moi, je voulais faire un petit sondage, mais je suis interrompu par les chatters. Tu peux faire, ce sera plus intéressant peut-être. Vite fait, comme Willow, on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas eu tort de faire renaître Buffy? Et parce que la saison 5 s'est terminée par The Gift. Ouais, non, mais est-ce que. Sinon, il n'y aurait plus de série et vous ne pourriez plus faire de podcast. Donc, bien sûr, mais Kevin. Non, mais ouais, bien. Enfin, oui, pardon, vas-y. Kevin, qui était notre invité justement il y a deux émissions, disait que c'était The Gift sa fin préférée. Il aurait quelque part voulu que The Gift termine. Guillaume, qui était notre invité au tout début, au 11e podcast, préférait aussi The Gift. Ça aurait été couillu, mais ça nous aurait quand même. Enlever une saison 6 qui est royale. Ah non, mais d'accord, et saison 7 aussi. Est-ce que. J'aime autant la saison 7 que Riley. Je reformule mon sondage. Est-ce que vous préférez la fin de la saison 5 ou celle de la saison 7? Voilà. On peut voter, nous? Vous pouvez voter sur le site. Il y aura un article. Pourquoi Buffy c'est génial? WordPress.com. On peut dire du coup là où on enchaîne? T'as le droit de répondre si tu veux. Tu sais comment ça marche les sondages, Clément? Oui, non, pardon. Faut voter sur le site. Je vais te dire. Mettre des petits commentaires. N'influence pas tes auditeurs. Pendant que le démon. J'aimerais bien en fait, c'est ça le truc. Le démon autostoppeur continue de se balader dans les. Le démon autostoppeur. Oui. Continue de se balader. Donc là, on est en fin d'acte 3. Buffy rentre chez elle et elle allume pas la lumière, hein, y a pas besoin. Buffy est maintenant exclusivement un être de la nuit. Et surtout, elle est en danger. Regardez, il y a une espèce de dame blanche. Une bizarre, un fantôme. Qui lui. Lugubre. Et c'est. Qui, très lugubre. Ouais. Et qui est surtout interprétée par la cascadeuse Lisa Hoyle. Ah bah oui, on a entendu parler déjà de doublure. Ça fait un petit moment. C'était l'indice qu'on avait mis sur les internets pour que nos auditeurs. Ça a été trouvé très vite. Ça a été notre auditeur, hein, c'était bon. nos auditeurs. Et Lisa Hoyle, donc c'était sans doute une cascadeuse qui bossait beaucoup sur Angel à l'époque et qui est venue donc faire l'espèce de fantôme dame blanche. Ouais, Buffy. Donc là, Buffy se bat contre une espèce de fumée, donc c'est pas facile à mettre en scène, hein, quand même. Mais donc les plans sont pas ouf, mais au moins les effets spéciaux sont sympas, moi je trouve. En cette saison 6, c'est pas trop dégueu, ouais. En cette saison 6, donc comme on l'a dit, il y a eu une hausse de budget et ça se ressent beaucoup dans les effets spéciaux. Je trouve que les effets spéciaux en saison 6 et 7 sont beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus pertinent, je trouve. Ah bah, carrément, oui. Hein, et donc cette fumée blanche nous dit aussi « You don't belong here ». C'est un drôle de parallèle avec notre dernier numéro où le clodo décérébré, hein, par Glory, je vous rappelle, disait exactement la même chose à Dawn, qui elle aussi venait de débarquer à Sunnydale. On peut en conclure que les forces du mal sont des putains de conservateurs, hein, même si on... Tout simplement, on peut le déduire. Ouais. Si on avait une lecture ils politique... Ils veulent Trump, les salauds, ouais, ouais. Ils, plus que ça, ils veulent fermer les frontières, ils veulent limiter... Ah ouais, c'est le même pareil, programme. C'est pareil, ouais. L'immigration entre les dimensions. Ah oui, bah ça, oui, il est contre. Et ils nous disent que les démons votent FN, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça dénonce un peu cette série. Ça dénonce grave. Donc là, on est dans une scène, dans une voiture, une scène... au début avec des vannes pas ouf, mais qui a pour intérêt de nous expliquer la stratégie du Scooby Gang pour combattre ce démon. Donc les deux sorcières vont... Ça commence d'ailleurs le montage parallèle. Voilà. Et par contre ce plan est très cool là. Quand ça tourne c'est chouette. Autour des sorcières. J'aime bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je sais pas. Je regardais s'il y avait des cuts et il y en avait. Ils le font quand même souvent avec la sorcellerie. Si, ouais. Buffy, ça. C'est bien. Bah, à chaque fois qu'il y a une cérémonie des bougies, forcément la caméra tourne autour. Tu vois ce que pas je veux dire? Tout le temps. Non, pas tout le temps, c'est vrai, pas tout le temps, mais souvent, comme elle dit, ça c'est pas nouveau, je veux dire. Bah, ils l'ont fait dans la série. Ah, bah ça, et puis ils le font jusqu'au bout, et ils le font jusqu'au dernier épisode, et jusque dans le dernier épisode, ça c'est un peu là. Oui, c'est une scène qui va devenir un peu récurrente dans cette saison. Moi j'aime les deux, Willow et Tara. Mais c'est très sympa. Mais là, de manière générale, tout est plus beau, comme tu parlais des effets spéciaux là tout à l'heure, la lumière aussi est plus travaillée, le décor, ça fait moins remplissage. C'est ça, et donc là, le rythme s'accélère, on a des allers-retours entre donc la Magic Box, la voiture, la chambre de Buffy où elle se bat. On accélère le rythme pour rendre ce final haletant, ce final d'épisode très très très très sympa. Et regardez, les yeux noirs de Willow vont arriver. Annonciateur du désastre. Prémisse de sa darkité, hein, Dark Willow n'est pas loin. Darkité, tout à fait. C'est bien ça. On peut utiliser ce mot éventuellement. Ah, elle a pris forme. Voilà, là, c'est vraiment Lisa Hoyle. Lisa Hoyle est enfin Buffy de chair et d'os, hein, si on peut dire. Et surtout, Buffy va pouvoir la décapiter. Voilà. Direct. Ah, voilà. Lui, il était pas très fort en forme. Non, solide. Il aurait dû rester vaporeux. Une tête dommage. Toute blanche. Hein. Mais ça aussi, ça aide Buffy. Hein. Le Freak of the Week, ce n'est pas qu'un gadget scénaristique. Ouais, ça, c'est comme ça. Ça aussi, ça permet des choses. Buffy a maintenant, par cette décapitation, retrouve ce qu'elle sait faire le mieux. Enfin. Ou ce qu'elle savait faire le mieux, ce qu'elle ne voulait plus faire, mais qu'on lui oblige à refaire. Et nous, ce qui nous a manqué en tant que spectateur. Et voilà, c'est carrément le combat final. C'est sa mission. Bah oui, sa mission de tueuse qu'elle a toujours, enfin, au début, elle refusait de faire. Là, une nouvelle fois, on lui oblige une nouvelle fois à être tueuse. Elle ne décide pas. Buffy ne décide pas. On lui impose ce boulot de tueuse. Et en décapitant cette dame blanche, elle redevient la même Buffy. Et d'ailleurs, voilà, scène suivante, on la découvre radieuse, magnifique, les cheveux détachés, en plein soleil. On l'a pas du tout vue comme ça dans ce début d'épisode. On croirait presque à une happy end. C'est ça, exactement. Elle dit que tout va bien, qu'elle a enfin retrouvé... on a retrouvé notre vraie Buffy, hein, et bien sûr tout ça va être contredit par le twist final, parce qu'un bon épisode de Buffy se finit très souvent par un bon petit twist à l'ancienne. Plus qu'un twist là, c'est une scène en soi. Bon, oui. La dernière scène de cet épisode, c'est une scène entière de là, c'est la première fin de l'épisode. Il y a trois fins en fait, il y a celle-ci, celle après avec le Scooby Gang, donc celle qui est de Dawn, celle du Scooby Gang et celle avec Spike. On voit dans ce dernier plan qu'elle voilà. Qu'elle joue. Elle joue, et là elle va continuer à jouer avec ses amis. Ah, tout va bien. La Buffy heureuse. Bouffer de la pizza. Ouais, ouais. Comme nous ce soir, finalement. très beau pull de Willow, on l'a pas essayé. Eh vas-y, parce que justement, Buffy se sent. Elle nous fait croire qu'elle se sent mal pour avoir. Qu'est-ce que c'est que ce tapis de bain? Pour ne pas avoir. Non, mais le pull Willow. Je pensais à un tapis de sol, moi. En fait. Ouais. Willow a des bouts. Bah oui, mais c'est ça, parce que même si vos amis portent des tenues improbables, comme Guy et Emile, par exemple. Vous les acceptez. Non, mais il ne faut pas décrire les tenues de Guy et Emile. Il faut les accepter comme ils sont. Personne n'est prêt à ça. On les accepte avec leurs défauts. Bah, on les regarde pas trop, par contre. Bah oui, sinon. Surtout quand ils sont en rouge. Mais voilà, elle leur donne ce que ses amis attendent. Ils voulaient être remerciés. Elle leur donne du remerciement, elle leur fait des câlins. Elle s'achète comme ça un peu de tranquillité. Mais alors, bon, c'est un gros souci. Je vous rappelle que Buffy réussit à s'ouvrir grâce à son entourage. On l'a assez répété, c'est la force de la série, c'est la force de cette tueuse qui n'est pas seule, qui est toujours entourée. Et là, dans cette saison 6, elle va être très souvent dans la saison à part, hors du groupe, hors du Scooby Gang. Et ça commence là en mentant à ses amis. En même temps, elle leur dit pas merci. Elle leur dit je peux pas vous expliquer ce que ça représente pour moi. Et ils lui disent de rien. Ah, il y avait Xander dans cet épisode. Mais ils disent pas merci. Elle leur dit pas merci. Elle leur dit juste, il s'est passé quelque chose et je peux pas vous dire quoi. Dit, non, mais oui, donc en gros, elle pense très fort, vous êtes des gros connards, mais elle leur non, dit elle pas. Non, elle pense pas ça, non, justement. Non, elle va le dire à Spike. J'ai été ramené du paradis par mes amis. Elle leur veut pas non plus. Ah bah si. Il y a eu cassure. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il y a eu cassure. Il y a un truc quand même. Mersenne de la saison 6. Attends, priorité au direct. Mais on réagit au direct, justement. On arrive à la dernière scène cultissime de cet épisode. Il y a un milliard de choses à dire. Et je vais lui dire hein, si vous avez des choses à rajouter. Donc déjà la lumière. C'est beau, c'est bien on éclairé. On entend que les vampires se foutent de la lumière. C'est shiny. Buffy sort, elle est irradiée de lumière. Et au lieu de continuer vers la lumière, elle va aller dans l'endroit où il y a de l'ombre. Regardez cet insert. Insert pied de Spike. Insert lumière. Bloqué par la lumière. C'est un plan. C'est peut-être l'insert le comment il est arrivé là. Le plus beau. Bah, on se déplace dans l'ombre. Mais c'est de la poésie tout ça. Faut pas chercher à expliquer. On s'en fout. La lumière est moins forte. On s'en fout pas. Elle a raison. Spike. Il le dit. La lumière est moins forte. Spike prisonnier de l'obscurité. Vous avez vu. Il y a une marque au sol. Il ne peut pas aller dans la lumière. Il est prisonnier. Il a interdit. Interdiction de lumière. D'ailleurs, il y a encore une trace dans ce plan là. Voilà. De fermeture. Exactement. Tout est fermé et Buffy l'a rejoint dans cette prison d'obscurité. Buffy est également bloquée ici avec Spike. Elle lui dit aussi I can be alone with you. C'est lourd de sens. T'as un problème avec mon accent anglais peut-être. Ah, c'est toujours aussi drôle. Hein, là, on est de nouveau gêné du coup. Mais voilà, Buffy ne sera jamais épanouie. Ça c'est un indice pour ma cause, pour la cause que je défends. Buffy ne sera jamais épanouie dans la relation Spike avec Spike, ah, qui bon, va débuter ici. Elle sera toujours seule, bien qu'avec Spike. Et ensuite, pas grand chose à dire sur le monologue qui va suivre. Un monologue époustouflant de Buffy. Donc tout y passe. Hein. L'enfer est sur Terre. Death is my gift. Your gift. La tueuse, elle est tueuse contre sa volonté. Voilà, elle va devenir une Buffy boat, une Buffy zombie qui va chercher à faire semblant, faire les choses de manière machinale. C'est poignant, cette scène. Ah, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Il y a plein de petits détails. Il y a la petite pancarte Beware of the dog, attention aux chiens derrière eux quand elle parle à Spike. Hein, un petit peu. C'est un sauvage. Spike voilà. N'est pas un gentil toutou domestiqué. Il y aura toujours une bête sauvage qui sommeille en lui. Faut faire attention, Buffy. On lui dit, mais fais gaffe. Elle va l'oublier. Et elle sortira finalement. J'avais autre chose à dire. J'avais plein de choses à dire sur ce plan. Ah bon mais tu pourras nous en reparler après. On pourra vous en reparler après. Calme-toi. Alors voilà, Spike explique qu'il aurait pu rentrer dans la Magic Box au moment des câlins et qu'il a pas voulu. Là encore, pour renforcer le lien entre Spike et Buffy, lui a compris que c'était hypocrite tous ces hugs dans tous les sens. Et ça renforce le lien entre Buffy et Spike qui sont sur la même longueur d'onde. Et ça rajoute de la distance entre Buffy et ses amis. Voilà ce que je voulais dire. Ce qui fait chier quand même un peu. Mais du coup ça relance tout le... Au lieu de tomber dans une routine où c'est un Scooby Gang toujours, voilà, allez tous les copains on va réussir les épreuves. Là il y a un doute quoi. Merde, et s'ils se fâchent. Non mais c'est pour ça que c'est cette... Alors attention, voilà. Buffy part. Elle retourne à la lumière. C'est magnifique, cette scène est formidable. D'ailleurs, tu es troublé, hein, ça se voit. Mais une lumière. Enlève la main de ton pantalon. Une lumière de façade. On l'imagine, elle va arborer maintenant ce sourire. Voilà, ce sourire, on dirait le Buffy Boat. C'est le Buffy Boat qui elle part. Doit dire Buffy Boat. Est-ce qu'on peut définir Buffy Boat? Comment tu l'écris, Boat? B-O-T. Voilà, parce que c'est-à-dire c'est pas que le love boat comme un bateau. Hein. C'est-à-dire c'est pour ça, Orgen fait référence à l'os magnifique. Boat. Buffy's boat. Un robot. Buffy bot. Et voilà. Un bateau, c'est bot. Buffy bot. Et Orgen nous a rappelé. Pas Buffy boat. Notre penis boat. Ferme. Notre Buffy's boat. Il est quand même con. Notre penis boat. Oui, Buffy's boat. Oui, voilà, du coup, oui. Oui, voilà, j'ai. Bravo, Orgen. Donc Buffy bot. Vous voulez que je dise Buffy bot? On préfère, ouais. C'est la fin de cet épisode, un épisode lambda, mais avec un final magistral, on peut le dire. C'est pas si lambda que ça. C'est pas lambda du tout, enfin, je trouve pas si lambda. Mais c'est quand même magnifique. Il se passe des trucs super importants, justement, cette cassure avec ses amis. Bien sûr. Bah voilà, du coup, c'est pas. Non, c'est lambda dans l'histoire. D'accord. Ça raconte. Il se passe rien dans l'histoire. Elle ressuscite, elle tape la tête de Dame Blanche et c'est fini. D'accord, oui, c'est vrai qu'il se passe pas des choses très excitantes. Ce démon, il sert à rien. Il vit dans le mur, c'est une Dame Blanche qui se fait tuer en 2 secondes. Ça sert à rien. Est-ce que vous voulez passer à la conclusion de cet épisode? Ah oui, je crois qu'il y a Emile qui voulait parler. Ah, Emile va intervenir. Émile, rien à déclarer. Émile. Mais pourquoi tu levais la main? Mais j'ai dit que je m'étirais. Oh, c'est incroyable, je alors, peux rien faire. C'est passionnant, mais je vais être obligé de te couper. Tout de suite, c'est l'heure de la conclusion. C'est pas de notre faute. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Riley, est-ce que tu avais... Bah, de toute façon, tout le monde. Est-ce que vous aviez une conclusion? Émile, peut-être tu as une conclusion à cet épisode. Écoutez, il n'y avait pas de Giles. Et personnellement, quand il n'y a pas de Giles dans un épisode... Parle bien dans ton micro. Mais voilà, c'est-à-dire que quand je parle, on me dit que c'est trop fort. Après, quand je parle, c'est bon, pas assez parle fort. Parle dans ton micro. On commence... là, c'est bon. C'est une machination. Bref. Riley, une petite conclusion. Juste, on n'a pas dit pendant le podcast, mais l'épisode, ça se passe carrément, presque entièrement, dans la maison. Je sais pas si vous avez remarqué. Mm-hmm. Ils sortent quasiment jamais, ils sont dans le jardin vite fait. Il est pas comme les autres. Il fallait faire des économies, il y a Once More With Feeling qui arrive bientôt. Ouais, il fallait faire des économies pour Once More With Feeling, mais en plus, la maison, c'est le symbole de la renaissance, la naissance, le ventre, hein, tout ça, le foyer. Ah, tu vas pas t'y mettre aussi. Familial. Et on en a déjà un qui nous a décrit l'accouchement par le menu. Rejoins la théorie de l'accouchement de certains. Bien sûr, l'accouchement par la terre. Il fallait bien accoucher dans cette maison. Donc, bon, alors, qui coupe le cordon? C'est Buffy. Elle-même. Avec sa hache en coupant la tête. La vache. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait au début quand Willow et Tara ont pris la chambre de la mère de famille. Enfin. Cette maison est vachement importante et du coup que ça se passe que dedans pour cette résurrection, c'est cool. Sinon oui, c'est un épisode touchant. qu'est-ce que j'ai écrit? C'est très touchant. C'est tellement spontané. Écoute, on s'en émeut pas lui-même, quoi. Non mais si, mais quand je l'ai écrit, j'y croyais. C'est là vous m'avez dérangé. C'est ça qui compte. Et oui, et que c'était très quand même le destin de la tueuse est horrible. Quoi. C'est la saison 6, c'est la saison de la dépression. Je sais pas si complètement, vous êtes d'accord, complètement. Si, tout à fait, ouais. D'accord, cette saison-ci, c'est bien plus intéressante qu'on peut le croire. Ah, moi, c'est ma préférée de l'intégralité de Buffy. Mais oui, aussi. Et d'autant qu'à l'époque, j'étais très, très à fond dans la relation Buffy-Skype, décidément. Spike, que je trouve toujours intéressante, mais que j'ai un peu démystifiée depuis. Mais... Et c'est pas parce qu'il y a Once More With Feeling que c'est ta saison préférée? Ah, c'était cool. Mais c'est un bon pic, mais après, je trouve que c'est encore mieux. Et comme ça finit pas bien, c'est encore mieux. Bah, c'est comme l'Empire contre-attaque. C'est une fin. Ça, c'est une saison qui détruit suffisamment tous les liens entre les personnages pour qu'ils fassent semblant de les réparer à la fin et que ça n'arrive pas à vraiment se reconstruire avant la fin de la saison 7. C'est une série. Ils ont quand même besoin de vivre le Seigneur des Anneaux pour pouvoir se remettre. Et c'est ça, c'est une saison qui ne fonctionne qu'avec la saison 7. Tu pouvais pas finir sur cette saison. Ouais, carrément. Ils ont fait un vrai choix sur ces deux. Et justement, c'est ça que je voulais évoquer aussi, c'est que dans l'épisode, donc l'épisode où Buffy meurt, le final de la saison 5 qu'on avait évoqué, The Gift, on vous avait pas mal parlé du voyage du héros, hein, et donc on vous avait expliqué que justement ce sacrifice ne devait pas être vu comme une finalité, c'était pas du tout la fin du voyage, mais juste une étape, parce que dans le voyage du héros, il y a toujours un sacrifice, un saut dans l'inconnu pour montrer sa foi, hein, comme Indiana Jones. Une renaissance à chaque fois. Et toujours une renaissance et un retour dans le monde normal, après avoir fait des épreuves multiples dans le monde fantastique, à un retour dans le monde normal, et dans le monde normal qui doit être modifié. Buffy là est changé à jamais. Suite à ces épreuves. Mais là justement ça n'a pas fonctionné. Là il y a un souci, c'est que Buffy revient dans le monde ordinaire et le monde ordinaire n'a absolument pas changé. Bah, ah oui, non mais du coup elle est changée à jamais, je veux dire. Oui, c'est peut-être ça qui lui fait mal. Mais le problème, c'est qu'elle le dit à Spike. Hein. Parce que justement, elle sait ce qu'il y a après, du coup, comment c'est elle peut continuer à combattre alors qu'elle sait que c'est mieux après. Et surtout, sauf qu'elle n'est pas certaine que si elle y retourne, ce sera pareil. Et surtout, c'est une preuve que son voyage n'est pas terminé. Pour boucler son voyage, elle doit changer le monde normal, le monde normal en fait. Moi, j'ai envie de regarder One Form Feeling. On peut pas l'enchaîner tout de suite là, on direct. Peut pas, c'était pas bien ça. On le prépare. Activement, on est très actif sur la préparation de celui-là. Mais donc voilà, Buffy doit changer le monde normal pour finir son voyage, et c'est ce qu'elle fera justement dans la saison 7. C'est là qu'elle arrivera, qu'elle, à la fin de la saison 6, elle aura pris conscience de sa nouvelle fonction dans ce monde. C'est le partage, c'est l'échange, et en saison 7, elle donnera son savoir à toutes les potentielles, enfin, excellente. Et changera le monde vraiment littéralement, et donc elle aura ainsi fini son voyage de vraie héroïne. Voilà. Merci Sartman. C'était très très beau. Ah bon. Je sais pas si c'était beau, mais j'espère que. En tout cas, c'était précis. Est-ce que on a fini pour la conclusion? Tout le monde a bien conclu? Oui. Je pense qu'on est. Oui, t'as pas bien, beaucoup conclu, toi, Clément? T'as quelque chose à dire en conclusion? Non, je t'en prie. Ça se dit pas ce genre de choses. Non, mais en fait, non, ce que j'allais dire, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai pas plus à dire. Ok, alors tout de suite, on va passer à la rubrique que tout le monde attend. La rubrique. Les gros bisous. Ah non, pardon. Mais non, la rubrique des invités. Here we go. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle a gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Et voilà, et donc oui, avant de parler d'Elisa, on va bien évidemment parler de quelqu'un d'encore mieux, on va parler d'Emile. Salut Emile. Bonjour. Emile, donc on a trois invités ce soir, on va essayer de faire très vite, de passer, de parler aux trois invités. Emile, on a toujours, on pose toujours deux ou trois questions, qu'est-ce qu'on pose trois questions à tous nos invités. Qu'est-ce que tu fais en dehors de... La première question, c'est quel est ton épisode préféré de Buffy? J'aime effectivement quand on est... Voilà, le vrai début du Scooby Gang, quand il y a encore la bibliothèque aussi, hein, dans Buffy. C'est-à-dire que là, moi, les épisodes où il y a la bibliothèque, j'aime bien, j'aime ça. C'est sympathique. J'aime quand il y a Giles, j'aime quand il y a la déesse de Giles. Mais sinon, toutes les intrigues, sinon j'en ai la seule foutre. À part ça, bof. Je rappelle que Emile est le président du fan club sartois de et des DS. Comment as-tu découvert Buffy, Emile? Bah écoutez, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que j'avais un petit téléviseur dans ma chambre à 32 cm cathodique. Et du coup, j'avais forcément M6, la trilogie du samedi. Et effectivement, de temps en temps, un petit peu d'au-delà du réel, parce qu'il y avait des bons épisodes. Mais c'était, hein, pas le samedi au-delà du réel. Ah, c'était pas le jeudi. C'était le vendredi. Ou le vendredi, peut-être. Ah ouais, jeudi, bon. C'était j'en les contes de la crypte. Il y avait le caméléon dans, et Charmed. Ça, c'était trilogie du samedi. Avec Buffy, voilà, avec Charmed et tout ça, j'ai jamais pu encadrer. Et effectivement, donc je regardais et j'avais trouvé ça assez mature dans la narration. Pourtant, j'étais pas bien vieux. Mais je trouvais que c'était un peu au-dessus du lot quand même. Je voyais en fait les seconds messages qui étaient envoyés, hein, dans Buffy et ça m'intéressait. Mais très vite, effectivement, quand je suis tombé sur la saison avec Riley, là, j'ai fait une crise d'épilepsie. Et ça s'est terminé quasiment définitivement d'ailleurs. Bah, oui. Guy, de ton côté, tu peux nous donner ton épisode préféré de Buffy? Alors, mon épisode préféré de Buffy, tous. Parce que je trouve que Buffy c'est génial. Ah, très bien. Excellent, très bon. C'est le Guybot. Et comment tu as découvert, toi, Buffy? Non, je me souviens surtout que c'était le premier samedi du mois et que à passer 23h, bon, voilà. Très bien. T'étais adolescent. Merci Guy. Selkis, aide-nous. Remonte le niveau de ce podcast, s'il te plaît. Quel est ton épisode préféré? C'est absolument pas original. C'est pas grave. C'est Once More with Feelings. T'as raison. Parce que j'adore les comédies musicales. C'est formidable cet épisode. Que ouais. J'étais une bonne adolescente fan de Spoofy, vous dites. Donc voilà, fatalement, à la fin, j'ai aussi fait une crise d'épilepsie, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a le bisou à la fin. Mais, avec gros moments. Ce que j'ai découvert en VF et que je n'ai pourtant pas détesté, malgré la performance. Ah oui, les chansons en VF et tout. Assez avec les invariables. Qui changent de voix quand ils chantent. Ah oui, quoi, ça, c'est puisqu'ils avaient donné des morceaux musicaux longs à ceux qui savaient chanter, à savoir Spike. Et Anthony Stewart Head, enfin voilà, je mélange les personnages et les acteurs, c'est parfait. C'est pas grave. Et en VF, c'était pas du tout. Genre, Tara, elle s'est pas chantée en VF. Et elle a une longue balade, et alors c'était absolument immonde. En VO, elle a une voix, mais elle est voilà. Bien chantée. Chanté. Mais Giles, en plus, en VF, c'était Emmanuel Curtil, qui était le mec qui faisait Chandler, qui du coup se mettait à chanter à la place de Giles. Oh, yeah. Bref, voilà, pas original, mais gros épisode. Et comment tu as découvert Buffy? À cause d'Emile. Qui m'a dit, c'est Emile qui s'était Emile m'a dit, regarde Buffy, c'est génial, parce qu'il y a Giles. Et à cause de lui, j'ai commencé à regarder quand il a arrêté donc la saison avec Riley. D'accord. Et j'ai trouvé que Buffy, c'était nul. Ah. Mais je me suis accrochée. Révélation. Et je suis arrivée à la saison 6, et voilà. Mais elle s'est accrochée. Donc tu préfères la saison 6? Bah oui, parce qu'il m'avait dit que c'était bien, donc je me disais, soit il se fout de ma gueule, soit c'est bien. Il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Non, il s'est pas foutu de ta gueule. Donc Emile, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta passion pour Giles? Je sais qu'en dehors de regarder l'épisode de Buffy, tu passes énormément de temps à vouer un culte à Rupert Giles, oui, ce bibliothécaire anglais que tu voudrais être. Hein. D'ailleurs, tu fais partie de l'amicale des amis de tonton Giles. Oui. Voilà. Bien sûr. Qui nous rappelle un bibliothécaire qu'on a bien connu aussi dans notre jeunesse. Hein. Je pense qu'il y a un truc qui est lié. Hein. Non, mais pour sans ça. Rire. Sans, bah, évidemment. Peut-être. Évidemment, ça nous rappelait... Peut-être, voilà. Parce que ça nous rappelait aussi une figure un petit peu qui faisait... autorité hein, au sein de notre groupe on... de collège. Avec Emile, quand on était au collège, on avait aussi notre bibliothèque, on avait aussi notre Giles. Ah oui, ouais, tout est vrai. Qui se foutait de votre gueule. De nous, on se foutait aussi un peu de lui. Il n'y avait pas trop de vampires. Il n'y avait pas beaucoup de vampires, c'est ça qui manquait. Il y avait des blondes ou pas? Mais sinon, il n'y avait pas de blondes non plus. Ah, ouais, ouais, mais il y avait une bibliothèque et un Giles. Et un quatrième techno, hein, ça remplace bien les vampires. Comme il faut, c'est vrai que voilà. Et donc, toi Giles, donc ça t'a. Alors en fait. Outre le côté amusant de la chose, effectivement, moi ce que j'aimais bien c'était la relation entre lui et Buffy, parce que pour la première fois dans une série, en tout cas moi ce que je voyais, il y avait effectivement le héros qui était un petit peu, vous voyez, encadré, qui était soutenu. Et moi ce que j'aime pas trop dans les récits, c'est le côté le héros il a tout sur ses épaules, il n'y a personne pour le soutenir, le coacher, etc. Et je trouvais ça vachement bien en fait, si vous voulez, qu'il y ait cette espèce de figure, alors moi je dirais pas maternelle, plutôt, pas maternelle, plutôt paternelle, parce que bon, il était très absent. C'est un garçon, je crois. Mais non, mais voilà, mais tout à l'heure vous avez dit Jace, figure maternelle. Non, on n'a pas dit ça. Si. Pas paternelle, c'est un P. Bah, vous verrez. P, ouais, vous verrez au montage, j'ai raison. Un peu. Et j'aimais ça effectivement, parce que si vous voulez, et puis lui, il était pas parfait non plus, il faisait parfois des conneries et puis on voyait qu'il avait un passé et tout, bref, j'étais ado et je trouvais ça plus intelligent que le reste, voilà, c'est pour ça que maintenant j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Super explication, on est tous d'accord, on adore Giles ici, on est d'accord. C'est le meilleur perso. Puis dès qu'il disparaît de la série, ça part en couille, donc c'est bien la preuve qu'il faut qu'il soit là. C'est un équilibre, ce perso. Et dans l'épisode qu'on a vu, on a la preuve qu'on a besoin de Giles. C'est immense. Buffy le dit, mais il est où Giles? On a besoin de lui, quoi. C'est le premier truc qu'il dit. Bien sûr. On va parler aussi de ta passion, Guy. Parce que là on est dans la on est dans ta passion pour Buffy, attention, on est dans la partie sur les invités, qu'est-ce qu'ils font à part regarder Buffy. Ah, on attaque cette partie là et Guy a une passion formidable pour les jeux vidéo, je crois, raconte nous ça. Et en particulier le rétro gaming, donc plutôt Super NES, Mega Drive, ou tu investis assez pro Nintendo quand même. Ouais, t'es Nintendo. Ouais, prêt. Donc t'as toutes les consoles Nintendo, presque, genre presque, il manque quoi, on a toujours trouvé la petite bête, l'accessoire, voilà. Mais c'est que rétro gaming, tu fais pas du tout les nouveaux jeux du coup? Si, un petit peu, mais voilà, plus je mets pas le prix fort dans les dernières nouveautés quoi. Et tu veux nous parler de l'image qu'on a à l'écran là, deux mots sur la bête là? Voilà, ça image très bien, ma passion. Ma dernière acquisition, c'est une Game Boy. Alors on dit fat pour les Game Boy gros, grosse pour les nouvelles, les premières générations de Game Boy. La vraie, quoi. Bah, the true. Et celle-ci a une particularité, c'est que c'est une Game Boy estampillée Manchester United. Le club de foot, donc. Le club de foot anglais, ouais, tout à fait. Génial. Et donc, du coup, voilà, une série limitée. Hein, et bon, voilà, quand on est un peu dans le milieu du rétro gaming, ce qui fait un peu le prix, la valeur de cet objet. Et donc on remarque que c'est aussi gros qu'un dinosaure quand même, et ça prend de la place peut-être. Tout à fait. C'est pour voir l'échelle. C'est parfait, un dinosaure, donc on connaît pas l'échelle pour voir l'échelle d'une console, je trouve que c'est génial. C'est pour ça qu'il précise fat, Game Boy fat, c'est pour ça. Tout à fait. Est-ce que Guy, une question totalement improvisée, est-ce que t'as des jeux vidéo Buffy par hasard? Et non. Et non. Tu sais qu'il y en a eu sur Game Boy. Sur Game Boy ou sur GameCube? Sur Game Boy Color, il y en a eu un. D'accord. Que je veux bien te passer pour compléter ta collection. Ah ben c'est super. Et il y en a eu sur Game Boy Advance, mais c'est pas sûr. Non, pas Advance. Game Boy DS sur DS. D'accord. Et tu y as joué? Non, j'ai pas joué à celui à DS, mais j'ai joué celui sur Color. D'accord. Et GameCube aussi. GameCube, il y a eu un jeu Buffy sur GameCube. Voilà. Le chat, on demande une estimation de cette console, la Game Boy, la FAT. Est-ce qu'on peut donner un prix? Crash de morceaux. Ce sera bipé au montage. Voilà. Je peux donner une tranche de prix. Ouais. Voilà. Ah, vas-y, donne une bonne tranche. Ça peut se monnayer entre 150 et 250 euros en loose. Donc en loose, c'est sans la boîte. Sans la boîte, ouais. Sans la notice, voilà. Et forcément, comme on peut voir à l'écran, là, on voit le pack complet en boîte. Et là, je. Bon, voilà. Ah oui, donc là, oui. Tu n'as pas trop mangé. On est sur un SMIC amélioré. On tease un peu ou pas On tease. Avec Riley et Clément, on s'est aussi nous intéressé aux jeux vidéo, aux jeux vidéo Buffy. On s'est lancé dans le streaming. On a commencé à enregistrer un petit podcast jeux vidéo. Un petit podcast, bon, ça a duré un peu. Mais sur quel support le jeu vidéo Buffy? Bah sur la version GameCube. D'accord. On a fait un speedrun et ça a duré. Un speedrun de 3 heures. 58 heures. C'était très bon. Donc vous aurez ça très prochainement, un petit podcast sur le jeu vidéo Buffy. On va passer à toi, Selkis. Mais c'est vachement moins intéressant qu'Emily Guy, du coup. C'est beaucoup, je le sais, je le sais. Oui. Mais il faut absolument que tu nous parles de ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy. Raconte-nous, c'est quoi ça, ce plein logo de choses. Incroyable. Ça, c'est un logo incroyable. Voilà. Non, je fais plein de choses, beaucoup trop, mais principalement trop. Du dessin, de l'écriture et de l'auto-édition. Ah. Et ce logo incroyable, c'est un boulot que je fais avec une collègue où on travaille sur un webcomic, une BD gratuite en ligne. C'est gratuit, les copains, allez-y. Et c'est gratuit. C'est moins cher qu'une Game Boy. Tout à fait, beaucoup moins cher. Pour le prix d'une Game Boy, vous pouvez avoir l'intégralité de notre production, je pense, et pendant 10 ans. Donc voilà, bande dessinée gratuite en ligne sur un thème science-fiction un peu post-apocalyptique pour grossir le trait. Du mercenaire très vulgaire, hein. Non pas vulgaire, hein. très grossier. C'est pas vulgaire, c'est absolument grossier. Je vais pas raconter, il suffit d'aller lire, c'est gratuit, c'est parfait. Un personnage de femme forte. Un personnage de femme forte, tout à fait, mais beaucoup plus grossière que Buffy. Et qui n'a pas du tout l'intention d'avoir un Scooby Gang, parce que voilà. Mais donc c'est à lire en ligne, et ensuite on les publie sur papier, on les vend en convention, tout ça. Donc avec des planches bonus. Maintenant il faut donner le nom. Voilà. Et le nom, Warhounds, comme les chiens de guerre. On peut taper ça en ligne, on est les référencés sous Google. On mettra les liens. Voilà. On mettra évidemment le lien dans l'article. On s'amuse bien à faire ça, c'est assez chouette. On aime bien avoir des retours aussi au fur et à mesure qu'on publie la bande dessinée. C'est très beau. Comme ça permet de voir un peu ce que les gens en pensent et ça nous motive beaucoup. Et alors vous publiez une planche par semaine, hein, c'est une ça, planche par semaine. Alors là on est en pause parce que c'est les vacances. À chaque vacances on fait quand même des pauses. Sinon on fait une planche tous les vendredis et dès qu'on a fini un chapitre on publie un tome sur papier. Donc là on a fini le chapitre 1 que tu as acquis récemment. On est à la moitié du chapitre 2 et ce sera en 3 chapitres. Génial. Ça fait combien de pages du coup, combien de planches sur un chapitre on est sur une soixantaine de planches, donc on fait un an et demi pour un chapitre. Donc ce sera fini. On est à la moitié là. On est pile à la moitié. Et j'ai une question. Quand tu dis on imprime nous-mêmes, c'est tu fais Alors on imprime via en auto-édition. Ouais, on a une association d'auto-édition qui s'appelle IRAETH. H-I-R-A-E-T-H. Donc on peut retrouver où on imprime des romans, des bandes dessinées, tout un tas de choses. Et donc on travaille avec un imprimeur italien et on publie ça en convention. Et c'est assez chouette, on travaille avec des illustratrices, tout ça. Mais tu nous racontes l'histoire, un petit pitch, je peux pas raconter l'histoire, mais la BD en particulier, on est sur un satellite qui à l'origine était organisé par, enfin était mis en place, aménagé par une grande compagnie immobilière, mais finalement le satellite s'étant désaxé, l'endroit est devenu complètement pourri, irradié, irrespirable, et tout a été abandonné. De fait, c'est devenu un nid à mercenaires, à gangs de tout genre, à gens absolument dégueulasses, à trafiquant d'organes électriques et compagnie. Et on raconte l'histoire d'une charmante jeune fille et de sa charmante compagnie de mercenaires sur ce satellite et des guerres de gangs et de l'histoire de 3 ou 4 personnages qui essayent de se débattre. Ça a l'air très cool. C'est un peu sale, c'est un petit peu violent. On co-scénarise ça à deux, on écrit tout à deux et je travaille sur le dessin et on travaille à deux sur les couleurs. Et c'est du numérique? Tout numérique. Sur palette intégralement numérique, ouais. Je dessine que à la tablette là-dessus. Je fais un peu de traditionnel, mais là c'est tout numérique. Mais est-ce que t'as d'autres projets à côté de bande dessinée? Voilà, des questions pas écrites. Beaucoup trop, mais pour le moment, j'ai écrit un roman one shot sur le même univers, donc publié dans la même asso. Oui, on aime bien. Et ma collègue écrit un roman de fantasy où elle a pour le moment 3 tomes sur 6 de public. Non, 2 tomes sur 4. Elle est à moitié aussi, voilà. D'accord. Désolée, l'heure avance. Et on publie des sketchbooks, des artbooks, d'illustratrices qui travaillent avec nous. Donc on a pas mal de choses. Mais là, dans cet univers-là, moi j'ai une BD co-réalisée et un roman. Et bientôt, je vais attaquer un roman post-apocalyptique dégueulasse à inspiration Mad Max, pour faire court. D'accord, ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez tenté de démarcher des éditeurs pour pas mettre votre argent? Non, pas du tout, parce qu'on aime bien la liberté de l'auto-édition. D'accord. C'est super agréable de pouvoir avoir un ton complètement libre. Et puis, très objectivement, c'est pas franchement du format et de l'histoire à éditeur. On n'a pas, c'est pas très grand public, c'est pas très bankable quoi. On s'amuse vraiment beaucoup dessus, mais j'ai pas lu. Et surtout vu, je vais pas faire un pitch sur l'état de l'édition en ce moment. Il y a une telle surcharge de publications en édition, que ce soit en BD, en roman ou autre, que les étals sont complètement dépassés. Tiens pas une semaine. Et puis ayant un boulot assez conséquent à côté, je peux pas non plus gérer si par quelques raisons que ce soit, on s'engageait de façon professionnelle auprès d'un éditeur. Il y a quand même besoin professionnellement de tenir la route et d'en faire un taf à temps plein. Mais c'est ce qui est pas ça, le but, puisque le but c'est vraiment un plaisir. C'est mais si tu fais ça hobby, pour, bah évidemment. Ouais, bien sûr. Cool. Bah, et tu nous rappelles le site peut-être. Bah, tu mettras peut-être un lien Warhounds. Hounds. Sartman et l'anglais, c'est chaud. C'est chaud. C'est ma langue maternelle, vous savez bien. Et bientôt. Elisa, vous l'aurez entendu parler d'Elisa Douchkou, c'est ça. Excellente transition, Riley. Professionnel, 27 podcasts. C'est évidemment le moment d'attaquer la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Dans lequel on va peut-être parler de cette charmante actrice qu'on a rencontrée ce week-end. Attention, c'est parti. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Alors, Riley, c'est à toi. C'est un Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Ouais. Qu'on va faire tous les deux. Hein. Bah oui. Non, mais Clément était là aussi, quand même. Clément, oui. Il a vécu un peu moins de choses que nous. Ouais, on a fait les deux jours et Clément, il n'a fait qu'une seule. Donc, journée. On va parler du Comic-Con qui se déroule le 21, le 22, le 23 octobre 2016. Encore demain. Hein, voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est samedi soir. Ça bouge, il y avait un bruit de micro, je sais pas qui fait le bruit. Donc c'était vendredi, aujourd'hui et demain. Et donc on y est allé vendredi et aujourd'hui, tous mortel. Ensemble. Qu'est-ce que tu y as vu, Riley? On a vu beaucoup de... Comment décrire? De choses. C'est bon. Donc on y était tous ensemble, Emile et Guy et Selkis, ouais. Vous pouvez intervenir. On a vu des choses. On a pu voir deux panels de Elisa Douchkou. On l'a rencontrée en vrai, plus ou moins. J'ai fait une photo avec elle, incroyable. Donc j'étais en pleine forme, tout allait bien. Moi je la connaissais déjà un petit peu, évidemment. On a assisté à deux panels, un sur le Buffyverse. Qu'est-ce que t'es sexy, Riley. Donc, est-ce qu'on a commencé par Elijah Dushku, donc l'interprète de Faith, on n'a même pas présenté dans Buffy Angel. Après, bien sûr, tout le monde la connaît. Donc, elle était présente comme invitée sur ce festival. Donc, vendredi, comme tu l'as dit, une conférence sur Buffyverse, animée par Yael, qui était venu dans le podcast, qui traduisait, et qui va revenir. Frédéric Benudis qui animait. Qui bossait sur Canal. Et aujourd'hui, donc ce matin, elle est venue avec son magnifique pantalon en cuir, incroyable. nous parler de son travail avec Joss Whedon. Il y avait Yael, donc quand on dit Yael Sinkovic, qui anime des panels, journaliste, auteur, tout ça, qui est déjà venu au podcast, qui est déjà venu et qui va revenir très bientôt. Donc c'était passionnant, hein, ces deux petites conventions. Sachez qu'on a évidemment tout enregistré. On va monter tout ça, on va voir la matière qu'on a. On a enregistré des sons, hein, c'est notre métier, on fait du podcast, on enregistre du son, on a enregistré des sons. Quelques fans qui étaient là aussi. Sur ces deux jours, on va essayer de faire un petit montage, un petit truc qu'on vous mettra en ligne pour que si jamais vous n'étiez pas, vous pouviez pas être à cet événement, puis y avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé et de ce qu'Elisa a dit. Elle a parlé de son travail sur Buffy, son travail avec Joss Whedon, et il s'est passé quelque chose d'assez génial. Il y a eu une espèce de coup de foudre hier. Ouais, on peut le dire. Je vais laisser Riley raconter, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Raconte-nous, Riley. Du coup, je suis allé lui demander si elle voulait venir au podcast ce soir. Donc désolé, les Sartois, je suis désolé. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier, oui. Et elle a dit. Et non. Alors, elle a dit quoi? Elle a dit non. Bon. Et nous, on dit oui. Voilà. Bon, bah, faut je me suis rabattu sur le plan B. Mais, aujourd'hui, je l'ai revue en tête à tête, si je puis dire. Bon, il y a une photo. La photo le prouve. Hein. Et donc, elle a dit cool le t-shirt. Non, c'était un petit peu l'expression cool le t-shirt. Et c'est tout, elle m'a pas reconnu en fait. Bon. Quelle belle expérience. Elle voulait pas venir ce soir, c'est un peu bizarre. C'est dommage. Pourtant, t'as tout donné. Hein. Pourtant, je lui ai parlé de True Lies. Hier, elle nous a parlé de True Lies. Parce qu'elle a. Rappelons-le, True Lies avec Schwarzenegger. Elle joue la fille de Schwarzy. Par James Cameron. Elle joue la fille de Schwarzy. Elle en a parlé hier. Comme quoi, Schwarzy a été paternel avec elle. Non, mais même, il y a une anecdote beaucoup plus intéressante au niveau du nom. sur Schwarzenegger et elle. Ah oui, alors elle disait sur Schwarzenegger que les agents voulaient faire changer de nom de famille à Elisa Dushku, parce que Dushku c'est pas très commercial. C'est pas américain. Et Schwarzenegger lui a dit non, mais t'inquiète pas, on va retenir ton. Voilà. Ne change pas. Parce que c'est un nom spécial, on va le retenir. Quoi. Et bah il a eu raison pour le coup. Schwarzy qui s'était appelé Arnold Strong avant. Quoi. À ses débuts. Là c'était bien justement, parce que ce matin c'était Working with Joss Whedon, et donc elle a parlé, ils ont parlé aussi de Dollhouse. Ah, c'était bien, ouais, c'était très peinture avec elle. Intéressant, ouais. Et justement, Elisa avait l'air vachement impliquée parce qu'elle était productrice sur Dollhouse et elle en parlait justement, elle était au courant des audiences, elle était au courant de toutes ces choses-là. Et sur Buffy, sûrement, elle devait pas suivre, quoi. Oui, et elle raconte, enfin, tu sens que quand elle raconte, il y a une sorte de certaine déception à pas avoir, entre guillemets, terminé la série, quoi. Mais carrément. Mais quand elle en parle, ça se sent. Alors, on parle pas assez de Dollhouse, faudra qu'on parle, pareil. C'est une série c'est une série formidable que je vous invite à voir si c'est pas déjà fait. Mais qui restera, c'est une série qui restera, c'est comme Firefly. Ouais. Enfin, bien sûr, on sait qu'on n'a pas tout vu, mais justement, elles l'ont évoqué à la fin de la conférence. La saison 2, vu que tout le monde était au courant que c'était la dernière saison, qu'il n'y aurait pas de. Que la Fox arrêterait les frais, ça coûterait très cher. Ils étaient plus libres. Ils le savaient, et ça se voit, la deuxième saison est dingue, est complètement dingue, ils vont très très loin dans la série. Et bien sûr, on se dit qu'il y avait encore plus à faire avec cette série, mais la série est excellente, et notamment cette saison 2 va très très loin et nous donne plein de choses et qui méritait une autre chaîne, une autre diffusion. Bah, mais... c'est ce qu'a dit, ils l'ont précisé ce matin d'ailleurs, si la série avait été sur le câble, peut-être qu'elle existerait. C'est aussi une histoire d'époque aussi à un moment. Elle a aussi parlé qu'elle était très jeune sur Buffy et que du coup elle n'a pas conscience forcément de tout ce qu'elle est en train de jouer. Et ça, je trouve ça aussi intéressant qu'elle est. Ça mange des carottes. Sinon, vous pouvez manger devant les micros, c'est bien aussi, hein, ça fait pas du tout de bruit. Hein. Je réinterviens, tiens, j'ai très envie de voir. Vas-y, Emile. Effectivement, à 35 euros, c'est pas si cher que ça, parce que moi j'avais vu des trucs pour Retour à le futur, parce que bon, chacun ses goûts. Retour vers quoi, je vous plaît. On sait pas. Et du coup, j'avais vu, alors Christopher Lloyd, c'était au moins 200 boules. Hein. Non, pour une photo. Je te jure, mon petit pote. C'était du 200 $. C'est fait avoir. Mais je me suis pas fait avoir, j'aurais jamais payé ce prix-là. Mais de 200 €, tu passes la nuit avec lui, enfin, c'est pas possible. Mais arrête, non. Ben. 200 €, je vous jure. Là, il y avait même. Il y a un dîner avec Elisa Dushku pour 135 € dimanche soir. C'est qui ça? Mais Elisa Dushku, c'est quand on parle depuis un quart d'heure, Emile. Mais tu as tellement mal prononcé que j'ai entendu je me suis mouché. Là, il y a des gens sur le chat qui se plaignent pour la photo. Bah oui, mais on t'oblige pas à faire la photo. Quoi. C'est un petit kiff. C'est un petit kiff. Et voilà, et moi je n'ai pas fait de photo. Et t'es quand même en photo sur Twitter avec Elisa Dushku. La Comic Con a posté une photo. Non, mais voilà, il y avait aussi ce moyen d'aller tout simplement à la conférence. Enfin, je dis tout simplement, bien sûr, c'est à Paris, c'est pas possible à tout le monde de venir, tout ça. J'en suis très conscient. Mais il y avait aussi moyen de la voir sans payer plus que. Ce tarif d'entrée. Bien sûr, car il voulait l'avoir gratuitement. Et vu que c'est une vraie pro, conférences, elle a fait carrément le job, elle a fait des photos avec nous à la fin, enfin des photos de groupe, bien évidemment. Genre selfie, ouais. Mais elle a répondu aux questions de manière très pro. Voilà. Elle a même réclamé des questions ce matin, parce que l'analyse durait. Parce qu'elle a raccourci aussi. Elle a raccourci le panel. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Elisa qu'on adore, donc qu'on veut épouser tous, tout simplement. Mais elle est pas prête. Moi, ça ira. Je veux pas venir ce soir, bon ça on l'a dit. Est-ce qu'on a assez parlé de la Comic Con? On a vu plein de gens de Slayer Revival, ouais. Buffy and Jetshow. On a vu plein de cosplayeuses aussi. Incroyable. Les Queen, on l'a dit. Mystique. On a apprécié qu'on avait vu Mystique. Un mec en Resident Evil aussi. Resident Evil, le monstre à la fin du 2. D'accord. Non mais je le précise parce que le truc était particulièrement bien fait. Les monstres dans Resident Evil, c'est toujours tirant. Des cosplays incroyables. Bah, il y en avait 2-3 quand même. J'ai pas pu assister à la cérémonie de le meilleur cosplay, mais il y en avait 2-3 quand même. Plutôt. Sinon, soyons honnêtes, c'était que des boutiques, on est d'accord. Mais non, enfin oui, alors oui. Ça balance. Il y avait 50. Ouais, bah ça balance pas mal à Paris. Toi-même, tu sais, il y avait 50% de figurines. C'est toi qui l'as dit, Emile Sader, tout à l'heure. Et donc, ouais, peut-être un conseil qu'on peut donner aux gens qui se tâtent à aller au Comic Con l'année prochaine, peut-être, tout ça. Retirer de l'argent, il faut. Non, mais il faut savoir que. Oui, bien sûr, c'est un endroit où il y a beaucoup de c'est surtout un énorme magasin, hein, faut être clair. Il faut être clair. Avec des conférences à côté. Avec des stands marchands, voilà. Au bout de 150 € d'achat, je commence à me dire, mais quand même. Mais un peu trop de sabre laser chez moi. Mais il y a malgré tout ces conférences qui ne faut pas. C'est bien. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Faut regarder le programme en amont et vraiment voir s'il y a des conférences ou des invités qu'on veut vraiment parce voir, sinon il n'y a pas d'intérêt à y aller pour glaner. Oui, non, mais c'est non, ça, mais il ne faut pas se dire j'y vais comme à un festival, comme ça peut être parfois le cas, pour découvrir des choses ou autre. Oui, on va, les boutiques, on découvre surtout des boutiques de figurines ou de choses qu'on peut acheter sur le net. Par contre, il faut vraiment regarder le programme en amont, et là c'est cool. C'est pas un endroit où tu vas découvrir des jeunes créateurs ou des assos ou des choses comme ça. Justement, dans les dessinateurs du dessus, il y avait quand même des trucs. C'était pas des jeunes créateurs de qualité, mais non, mais enfin, ils ont payé leur print et tout ça. Il y en avait extrêmement peu. Il y en avait extrêmement peu, ça, mais, je veux dire. Et il y en avait encore moins que l'année dernière, et je me demande si l'année prochaine il y en aura carrément. Au moins cette année il y avait des comics, quoi. Il y avait des vendeurs de BD quand même. L'année dernière il n'y avait pas de vendeurs de BD. Il n'y avait pas Nini. C'est bien qu'il y ait un Comic Con à Paris, voilà. Il y en a dans toutes les villes du monde. Bon, bah maintenant il y en a à Paris. On peut pas en organiser en Sarthe. Mais il faut savoir ce que c'est. Au Mans, aujourd'hui, il y avait un super festival comics au Mans en même temps aujourd'hui. C'était la bonne date de l'organiser aujourd'hui. Urban Comics, énorme éditeur comics, a choisi d'aller au Mans plutôt que la Comic Con. Et ben ils ont peut-être eu raison. Et bah ils avaient des gros invités. Hein. Bah évidemment, ouais. Pourquoi pas. On nous demande le fait le plus marquant de cette. C'est quand Elisa s'est mise à danser sur la scène hier matin. On demande des. Oui, voilà. Elle racontait que Joss Whedon la faisait danser. Ah oui, ça c'est une bonne anecdote ça. C'est chaud. Joss Whedon, en fait, elle a raconté déjà tout son casting pour Buffy où elle a envoyé au dernier moment évidemment la lettre, la cassette ça, pour être recrutée. Ouais. Ouais. La cassette, la VHS. La cassette et la VHS qui lui a permis d'être castée. Et ça c'était ce matin, mais hier elle a raconté aussi la première fois où elle a passé une soirée avec Joss Whedon où il l'a emmené danser. Donc, tout ça. La première fois, c'est la dernière fois. Est-ce qu'elle danse? Ah bon, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois qu'ils se. En tout cas, elle était complètement séduite. La dernière fois qu'ils se sont vus avec Joss Whedon, il l'a invité à danser. Ah oui, c'est ça. Ils ont dansé pendant 4 heures parce qu'ils adorent danser, et Joss Whedon apparemment danse de manière très spéciale avec des mouvements complètement improbables. Oui. Et cet homme est un très grand danseur. Il danse le Mia. Moi, c'était la conférence de Michel Azanavicius qui m'a plus. Azanavicius. On allait voir d'autres trucs. C'est ça qui m'a le plus marqué. Azanavicius, c'est donc un réalisateur qui n'a absolument rien à voir avec Buffy. Absolument. Mais la question est posée, donc. On a fait autre chose que Buffy ce week-end. Oui. Moi, j'ai vu une conférence sur les cités d'or, j'en ai fait une autre sur le film Valérian de Luc Besson qui sortira en juillet 2017. On a vu plein de choses intéressantes, hein, bien sûr. Il y a un documentaire sur Phil Tippett, le gars qui fait de la stop motion sur Star Wars. Et donc t'es allé voir ce truc alors? Ouais, je suis allé voir, ouais. Il faut aller voir ce film si vous connaissez pas ce gars qui est une légende. Ça, c'est le prochain Willis O'Brien. Si tu veux. Et t'es allé voir un autre mec de Star Wars aussi qui a bossé sur les maquettes, tu disais? Oui, Lorne Peterson. Ouais, mais là je m'adresse vraiment aux geeks de Star Wars. Il y a des geeks de Star Wars. C'est le maquettiste, mais pas que Star Wars en fait, c'est le chef maquettiste de ILM des belles années, on va dire. Et d'ailleurs, tu me racontais un truc sur son plan préféré qu'il avait fait. Et ben alors, c'est votre serviteur qui a posé la question. Quel est le plan dont vous êtes le plus fier? Moi, je m'attendais à des vaisseaux qui foncent dans l'hyperespace et tout. Il me dit un plan dans Wild Wild West. en précisant qu'un bon plan est pas forcément dans un bon film, il m'a dit. Enfin, il m'a dit. oui, enfin, bref. Et du coup, il cite cette montagne qui s'écroule dans Wild Wild West. Je sais pas si vous voyez. Pas du tout. Bref. C'est le film avec Will Smith. Exactement, voilà. Je vois le film, mais je me souviens plus de la montagne qui s'écroule. Rien du tout. Parce qu'après l'avoir vu une fois, j'ai pensé ne plus le revoir. Mais voilà, on est d'accord. Mais du coup, bah voilà. Le plan le plus marquant de sa carrière, c'est celui-là. Enfin, qui est dans ce film. Alors, on a demandé, hein, on peut le dire en exclu, l'année prochaine, on a reçu l'info. C'est Marc Lucas qui sera présent, l'acteur qui jouait Ray. Donc, je vous l'annonce. Du coup, c'est bien, on pourra aller à la Comic-Con, il n'y aura personne dans les allées. Excellente vanne. C'est scandaleux, c'est le kiss. On va donc immédiatement passer. J'adore Ray. On avance, mais on aimerait beaucoup que Ray vienne. On va immédiatement passer à ton système Buffy, tu vas aimer ça. Tu voulais nous parler d'une web-série, je crois, c'est le kiss. Oui, j'oublie parfois que c'est une web-série tellement j'ai l'impression que c'est juste une série. Donc, si tu aimes Buffy, tu vas certainement aimer, et tu connais certainement, j'espère, Dr. Horrible, que j'appelle Dr. Horrible, de son nom complet, Dr. Horrible's Sing-Along Blog. Bien sûr. Très bien prononcé en anglais encore. Donc, web-série musicale, alors ça rejoint parfaitement ce que je racontais avec Once More With Feelings de Buffy dans la saison 6, à savoir que je suis assez sensible aux comédies musicales. Et donc, je vais pas dire de bêtises, c'est bien fait par Whedon. Tout à fait, avec un cast qu'on reconnaît pour ceux qui connaissent un peu les dernières saisons de Buffy, pour ceux qui ont suivi un peu son boulot, avec Felicia Day, avec un peu... D'ailleurs, il y a aussi un... Comment il s'appelle cet acteur de Big Bang Theory? Je ne sais pas. Monsieur avec la coupe. Je regarde jamais Big Bang Theory. Émile, peut-être. On n'a pas le nom. Emile. Excusez-moi, j'ai pas écouté parce que je lisais le chat. Spécialiste en Big Bang Theory. L'acteur qui joue Wolowitz. Et il joue dans Serious Man. Ah oui, là c'est l'acteur qui fait Wolowitz. Par contre, je connais pas. Je ne connais pas son nom. C'est l'acteur qui fait Wolowitz. Donc l'acteur de Wolowitz. Oh, on est nul. Bref, désolé, on très est chouette web série. J'ai pas très envie de la raconter dans le sens où faut la découvrir, mais où c'est un super vilain qui tient son blog désespéré parce qu'il a un petit peu du mal à être un super vilain. Donc le super vilain est interprété par, rappelez-moi son nom. Neil Patrick Harris, tout à fait, qui est extraordinaire avec un super gentil pour l'affronter, la personne de Nathan Fillion qui est extraordinaire aussi. Chaque Caleb de Buffy, Malcolm Hammer. Que j'ai découvert dans Buffy, moi d'ailleurs, parce que j'étais pas très au fait de l'acteur et que j'ai trouvé. Ah, il a fait un très court passage dans Buffy, mais que je me suis dit, tiens, celui-là il joue pas comme les autres. Ouais. Puis Firefly aussi. Et où quand je parle de la passion pour Whedon de faire des romances, des couples et de faire des catastrophes avec, là je pense qu'on est parfaitement dedans dans la romance. C'est formidable. La romance de fond. Ouais, c'est tellement horrible. C'est tellement juste, c'est tellement bien écrit. Et ouais, tout le monde connaît l'anecdote, c'est pendant la grève des scénaristes. Oui, donc, oui exact. Ouais. Tout Hollywood était bloqué, plus rien ne se tournait. Il y avait un conflit entre les syndicats qui voulaient des choses et tout. Et donc tout était bloqué. Et lui, bah, il s'est dit, bah, tiens, je vais tourner avec mes potes. Donc il a tourné cette web série en 3 épisodes, hein, je crois. 3 épisodes de. Ça dure 40, ça dure comme ouais, 42 bon, minutes. C'est pour ça que j'ai du mal à penser web série. Donc que ça, c'est chante, vraiment ça, chante, ça chante, ça danse. Et on voit qu'il s'amuse vraiment dedans. C'est magnifique, c'est drôle, c'est malin. Les chansons sont voilà, songées. Du Whedon parfait, quoi. On sent surtout que c'est un délire, oui. Carrément. On sent qu'il s'amuse, mais en plus, il a réussi à faire quelque chose de bien ficelé et de complet. Bah, c'est carré, quoi. De complètement débile et de complètement sérieux en même temps, je trouve ça super. Vous en avez peut-être déjà parlé. Le titre déjà, ça oui. Annonce la couleur. On peut parler de l'Amical du Geek qu'on connaît bien, qui ont fait une émission à la radio sur Dr. Rebel. Il y a pas jeudi ah oui, dernier, c'est vrai, je crois. Oui, tout à fait. Comic Discovery, je crois qu'ils sont sur le chat, ils nous précisent. Sur mais ouais, sur Dr. Rebel justement. Sur Radio Campus, mais Radio Campus Montpellier. Guy, tu avais un système Buffy aussi, toi. Oui. Si tu aimes Buffy, tu aimeras le conte Mordicus. Voilà. Conte Mordicus, donc. Mordicus, c'est quoi? Bah, c'est un personnage d'un dessin animé de la fin des années 80. Disney, oui, il me semble. Ouais, Faites gaffe, les gars. Je veux que tout ce qui soit dit dans ce podcast soit vérifié. Voilà, c'est clairement du Disney. Vrai. Voilà, jusqu'au c'est début Donald. Des années 90, il y a une soixantaine d'épisodes. Ah oui. Et voilà, ça fait incarner un vampire. Voilà, vampire. Donc c'est un vampire. C'est un cousin de Donald. C'est pas un canard plutôt? C'est un vampire. C'est l'enfant vampire. Caché de Donald. C'est un vampire spécial. Avec un mec, j'ai l'impression. C'est un vampire spécial. C'est un vampire spécial, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vampire? Eh bien, il ne boit pas du sang comme tout vampire. Ouais. Voilà. Hein, il mange des spaghettis. Tu m'as dit qu'il mangeait des légumes. Il s'est planté, il a corrigé. Ouais. Il a les spaghettis, c'est pas dans les 5 fruits et légumes. Non, c'est bien des spaghettis bolognaises, bien sûr. C'est des spaghettis bolognaises. Ouais, tu peux nous pitcher. Donc ça s'appelle comment? Mordicus, tu m'as dit? Conte Mordicus. D'accord, et c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est l'histoire d'un canard vampire qui a deux compères, à savoir un majordome et une nounou, voilà. Et à qui il arrive tout à fait, on peut le dire comme ça, ouais. Et à qui il arrive tout un tas d'aventures, les unes plus rocambolesques que les autres, voilà. Très bien, mais ça a l'air bien. Ça vous a donné envie de voir le compte Mordicus ou pas? Alors, spécialement, moi carrément, parce que là, on mord dans une madeleine de ouf. Moi j'ai carrément envie de le revoir. Proof, ah oui, c'est génial! De ouf! Ah, si t'es au bac, ça passera. Voilà, c'est le nouvel an d'ailleurs. Bref, carrément, oui, j'ai envie de revoir. J'ai envie de réentendre le générique, moi. Je l'ai pas ici. Ah non, si on se fait striker, attends, Disney c'est chaud. Hors de question. Tu le passes à l'envers. Mais c'est sûr que c'est Disney, les gars. Mais oui, ah, t'as vu sa gueule. C'est Donald. C'est Donald. Non, c'est le conte Mordicus. Oui, mais c'est un cousin de Donald. Flagada Jones et tout ça, c'est voilà. Dans la lignée, quoi. Est-ce que ce serait pas le moment du système Buffy de Emile? Je vous mets un visuel. Ah oui. On le voit là, ça y est. Allez, on le voit, c'est parti. Moi, je suis parti plus sur quelque chose qui revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure sur Jice, là. Hein, parce que ici, je vous ai choisi un jeu que vous connaissez probablement. Hein. Vous savez aussi qu'il y a la saison 3 qui arrive. Walking Dead. Walking Dead, hein, de effectivement l'éditeur Telltales. Ah, ça se joue sur quelle console? PC. Mais moi, sur Xbox, moi je l'ai fait sur Xbox. Ou sur, sur la plateforme si Steam. Vous voulez voilà, les avoir tout de suite, c'est PC. Et effectivement, c'est intéressant puisqu'on suit un petit peu l'aventure d'un personnage qui est Clémentine, hein, qui est une jeune fille, d'ailleurs même une petite fille au tout début de l'aventure dans l'univers Walking Dead. Ça ne reprend absolument ni les comics, ni la série. Hein. Ah, donc il n'y aura pas Daryl alors? Il y a... Alors heureusement il n'y a alors, pas les frères si, Dixon. Daryl fait une petite apparition. Non c'est faux, c'est faux. Il suffit de payer 50 euros. Faut payer 50 euros en DLC, tu peux voir Daryl. Donc vous, oh, bon à l'épisode de, dans l'épisode 1 de la première saison, vous avez un petit peu quelques petites références, mais ça s'arrête là par rapport aux comics. Et c'est assez intéressant puisque effectivement un peu comme Buffy, hein, cette Clémentine, elle va être un petit peu coachée avant de voler par de ses propres ailes, hein, avec son propre gang que vous allez pouvoir justement un petit peu soit malmener, soit aimer, etc. Comme vous. Puisque c'est un jeu narratif, hein, où vous allez pouvoir prendre des décisions pour les persos. Tout à fait, vous prenez des décisions, c'est ça, c'est pas un gameplay de fou, hein, c'est juste effectivement une sorte de livre dont vous êtes le héros. Et là, dans très peu de temps, c'est pour ça que je tenais à en parler, il y a la saison 3 qui arrive, et on va encore commencer un nouvel arc avec ce personnage, donc, Clémentine. Donc c'est un jeu vidéo qui fonctionne comme une série, en fait, il y a plusieurs saisons. Exactement. Mais tout à fait. Et dans une série, dans une saison, il y a plusieurs épisodes ou pas? Tout à fait. Oui. Tous les Telltales fonctionnent comme ça, en fait, tu achètes toute la série, mais ils sortent au fur et à mesure, donc tu payes une fois, tu payes ton jeu, et après, au fur et à mesure de la sortie des épisodes, tu peux y jouer au fur et à mesure de la sortie, ou tous d'un coup si tu l'achètes à la fin. Parce que les choix que tu fais dans l'épisode 1 ont des conséquences dans l'épisode 2. C'est le point faible des Telltales. Parce que chaque joueur a une histoire différente. C'est à la fois, c'est vraiment très bien fait, mais il faut quand même se dire que c'est des choix uniquement de la façon dont tu vas raconter l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire ne changera pas radicalement. Ouais, non, tu vas pas pouvoir tuer tout le monde ou non. Mais c'est de l'esbrouf extrêmement bien géré. Si t'es capable d'entrer dans le plaisir de la narration, voilà. Tu choisis vraiment le ton. Je pense quand même qu'il y a effectivement là-dessus sur. Le côté un peu évolution du personnage et passage à l'âge adulte qui est intéressant. Et puis tu nous parlais des monstres qui sont au final complètement prétexte aux relations entre les personnages. En fait, surtout ça. Plus le comics en fait que la série, déjà grand bien vous en fasse, et vous l'avez compris, dans le comics les zombies c'est pas le propos, en fait on s'en fout au bout d'un moment, ça amorce l'histoire, mais au final c'est les autres et là oui, c'est les Walking Dead c'est les héros. Exact. Oui, tout à fait. Oui, ils le disent dans le comics. Oui, ils le disent. Donc bon, voilà. Eh ben excellent, ça nous a presque donné envie de Vina. C'est super non, jeu. C'est ouais, ça a l'air très très cool. Et on va terminer avec Clément. Oui, bonsoir. Clément, tu as un système Buffy, tu vas aimer ça. Écoute, pour une fois, j'en ai un. Et tu as même de la vidéo, je crois. Tout à fait. Parle-nous de ça. Ça s'appelle comment? C'est un film dont alors, tu veux parler. C'est un film, un long métrage qui s'appelle Vampire en toute intimité. Un film néo-zélandais, j'ai pas le nom des réals, je suis désolé, j'ai oublié ma fiche. Mais la petite particularité du machin, c'est que c'est doublé, carrément pris en main, par Nicolas et Bruno. Qui sont Nicolas et Bruno? Alors, Nicolas et Bruno, pour ceux qui connaissent, c'est, qu'on fait, voilà. Qui ont, c'est ceux qui ont fait message à caractère informatif, la personne aux deux personnes, et bref, donc ils sont spécialisés dans le détournement. Et donc là, en fait. Comment dire, apparemment l'idée était de faire un peu comme Wentworth, les nuls se sont appropriés la VF de Wentworth et ils ont injecté leur propre identité dedans. Et ben là, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on retrouve l'humour de Nicolas et Bruno dans cette comédie parfaitement d'ailleurs écrite et réalisée par donc les deux gars, les néo-zélandais, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et les doubleurs donc, sont les fameux Nicolas et Bruno, qu'on ne présente plus maintenant, et Alexandre Astier. Donc c'est une sorte de mockumentaire sur des vampires colocataires. C'est un mockumentaire, voilà, c'est comme un espèce de... C'est arrivé près de chez vous, mais à base de vie quotidienne de vampires, voilà, c'est pas toujours facile d'être un vampire. D'ailleurs, voilà, leur coloc est une espèce de Nosferatu dégueu. Bref, et on les suit. Quotidien, ouais. On suit leur quotidien, voilà, caméra à l'épaule, voilà, ils se font un peu refouler en boîte, où des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bref, les difficultés d'être un vampire dans le mode quotidien. Et c'est très drôle, je me suis pissé dessus à deux reprises. Non mais sans déconner, c'est vraiment à voir. Et effectivement la VF là pour le coup, qui est tellement décriée d'habitude, là participe complètement à l'humour du truc, parce que c'est dans le même esprit que Nicolas et Bruno. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'on leur a demandé de le faire. Mais du coup en VO c'est pas du tout le même humour. bizarre, c'est ça. Différent. En fait, non, ils expliquent que quelque part il y a un écho à leur humour, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Non, ouais, mais les images sont les mêmes, donc ils parlent quand même à partir d'images. Oui, bien sûr, mais il y a des. Bah, par exemple, il y a un gars qui vient de la Cogip. Il y a un des. Ah, mais d'accord, oui, donc ils ont mis leur sauce. Ils ont mis leur voilà. truc. Oui, oui, bien sûr, les dialogues sont un peu différents. C'est un film. Non, mais à la base, c'est un film néo-zélandais. Mais est-ce que c'est une comédie aussi, le film néo-zélandais original? Il y a une comédie aussi. Alors, justement, Nicolas Bruno disent qu'ils auraient jamais pu faire l'adaptation parce que c'en est une. Si c'était pas retrouvé dans le. Parce que eux, le matériel de base, quoi. Ils sont spécialisés justement de prendre des images donc d'images de Cogip, donc de films d'entreprise oui, ou de films porno et de les détourner. Oui, donc parce que notamment le dernier film qu'on a vu de deux, c'est à la recherche de l'ultrasex. Ouais. Alors je sais pas si c'est sorti en DVD ou quoi que casse. Nous on l'avait vu en salle. C'est sorti que en salle. Il y a quelques mois. Pas en salle, mais en tournée spéciale. Et l'intérêt, surtout, bon, c'était génial. Et ils avaient fait un collage de plein de scènes différentes de films porno, de vieux films porno des années 70-80. Et où ils avaient rajouté bien sûr leur propre voix. Les scènes de dialogue. Et donc là c'était du détournement, on est d'accord, c'était du détournement, c'était très cool. C'est aussi fait. Ce qu'ils font avec le message à caractère informatif. Donc là ce que tu nous dis, c'est que ça ce n'est pas par contre du détournement. C'est vraiment de l'adaptation en fait. C'est une adaptation bah, complète. Hein, d'accord. Voilà. Mais donc, même on est allé les chercher pour ça, c'est pas eux qui se sont fait plaisir. D'accord. Donc c'est vraiment. D'accord. Donc c'est... Moi, je l'ai vu aussi ce film et je me demandais en fait en regardant le film, je me disais est-ce qu'ils ont détourné un film existant qui n'avait pas du tout ce propos là ou est-ce qu'ils ils ont juste fait une VF améliorée quoi, ils une ont, VF, Non, bah, c'est un peu ça dans la mesure où ils ont une liberté de ton validée. Est-ce que tu peux nous redonner le nom du film, Clément? Le chat s'emballe. Tout à fait, c'est Vampire en toute intimité. Qu'il faut voir en VO-VF. C'est comme ça qu'il appelle. C'est pas VOST ou VO ou VF. Ça s'appelle une VO-VF. Il faut le voir comme ça. Il a été conçu, en tout cas par Nicolas Bruno, comme ça. Voilà. Après, vous pouvez toujours avoir la curiosité intellectuelle d'aller voir le film en VO, original. Mais c'est comme ça qu'il. C'est comme ça qu'il faut. Regarde, le gars à droite, à gauche, pardon. Alors, du coup, on ne sait plus sur l'écran. Oui. Si c'est à gauche. Et ben, c'est Alexandre Astier qui le double. Et lui ressemble physiquement. Bah alors, je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée. Et il te ressemble un petit peu aussi, Clément. Oui, t'as les cheveux plus longs. C'est un peu, ça me rappelle dans les années 80 quand les mecs doublaient les Nicky Larson ou lesquels le survivant. Oui, ils en parler de ça. Ils étaient totalement en roue libre, ils faisaient un peu, ils se faisaient plaisir. Mais voilà, c'était une condition hein, pour qu'ils doublent, il faut le savoir. C'est un peu ça quoi. C'était une condition non, pour qu'ils doublent. C'est pas pareil pour le coup. Là, ils ont pris des libertés parce qu'ils avaient pas effectivement un regard au-dessus. Là, pour le coup, les gars, enfin, pour le coup, c'est du pure marketing. On est venu les chercher pour que ce film soit vu avec les dialogues-là. C'est ça la démarche, d'accord. Bien sûr, si tu vas sur Allociné, tu verras que c'est Nicolas et Bruno qui sont nommés. Quoi. Donc c'est officiel, on a terminé. Je crois bien. Hein. Hein c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin du podcast. Bah, ouais. On va un petit coup. Génial. Oui, parce que ça fait un petit moment. Et pour les honoraires, c'est quoi? On va par contre laisser. Laisse ton micro à Guy, c'est à lui de conclure. Excellent. C'est Guy qui conclut le podcast, ça. Il a une rubrique qui va se dédier, c'est ça? Il nous a préparé un monologue de fin. Attention, nous l'écoutons. Au revoir. Très bien. Donc. Pas mal. Pas mal. Non mais. Donc oui, on va. Hey, parce que pour une fois, j'ai le générique de fin quand même. Toi, t'avais pas de système Buffy? Bah, c'était le Comic Con, moi. Ah, on a parlé tous les deux. Et il y a plus de si t'aimes pas Buffy, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Ça fait 2h16 qu'on enregistre les gens. Hein, on va peut-être aller se coucher. Hein ouais, ça vous pouvez regarder le film qui s'appelle La fiancée Dracula tout de suite maintenant. Très bien. Non, c'est attends, je fais mon si t'aimes pas Buffy. Lisez l'ordre du contrevent, c'est bien. D'accord, très bien. Damasio. Ok. Ouais, merci. Ce podcast part en freestyle total. Mais on a le droit de conseiller les gens pour vous pouvez. Intéressantes. Vous pouvez. Je vais lancer le générique de fin. Attention, 3, 2, 1. Il faut nous mettre 5 étoiles sur iTunes, tout ça. Ouais. Sinon, on invite encore Rémi Légui. Ah oui, mais mettez-nous des commentaires pour nous dire de ne plus inviter Rémi Légui, s'il vous plaît. Vous nous aimez, vous avez jamais été aussi nombreux à nous écouter qu'on est là. Gros bisous. Merci au chat. Gros bisous. Merci, on vous remercie pas jamais assez le chat. Heureusement que vous êtes là, c'était formidable. Le live, on adore ça. Ça a parlé beaucoup de Lost sur le chat. Et ben bah, tant mieux. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine fois pour le podcast numéro 28, hein, comme vous a dit Guy. Merci Guy. Merci Guy pour le porter pour nous. Et je répéterai jamais assez, je suis innocent.